tout le monde, bienvenue à La Voix des Guerriers. Grosse émission aujourd'hui. On a tellement de sujets à discuter avec vous qu'on va commencer tout de suite en accueillant mon partenaire, celui qui partage l'émission avec moi, le géniteur, l'homme nouvelle lui-même. Salut Frédéric, comment ça va? Salut Ken, j'ai oublié de te dire quelque chose. J'ai l'intention qu'on va partir l'émission là en ce moment. Là, dis-toi qu'il y a l'hymne national russe qui joue pour Fedor derrière toi. Ah, ça c'est coquin. Y a-tu quoi de mieux que comme hymne nationaux, là? Je pense que cet hymne-là, c'est incroyable, hein? La puissance, l'intensité. Ouais, ça a de la classe. Ça me fait quasiment dire que je veux juste un Mayweather par soir au lieu de deux. Ah, Frédéric, hein, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Bien évidemment, le gala Strike Force qui s'est déroulé hier, puisque cette émission-là est enregistrée le dimanche. Donc, nous sommes le 8 novembre 2009 et le gala Strike Force a eu lieu, bien évidemment, hier, c'est-à-dire le 7 novembre à Chicago. Alors, on va en parler en long et en large. Fedor Emelianenko, Jade Shields et tout ça, tout le tralala. C'est sûr qu'on va discuter de tous ces combats-là, surtout les combats principaux. Puis, on va vous mentionner quand même la victoire ou les défaites pour les autres combats qui ont eu lieu lors de cet événement-là. Il y a d'autres résultats à vous donner. Il y a eu un autre événement très mineur de Strikeforce. On va y aller très rapidement au cours de l'émission là-dessus. Un événement également qui a eu lieu au Japon, dont on aura quelques résultats à vous mentionner. Un événement de Sangoku, leur 11e événement. Par la suite, on vous parlera du UFC 105 qui aura lieu le samedi prochain, soit le 14 novembre. Et ça va ressembler à peu près à ça. On a d'autres sujets qu'on va discuter. Peut-être un événement qui aura lieu également à Drummondville, un gala Ringside. C'est l'une des organisations majeur au Québec présentement en MMA. Alors, on va mentionner peut-être la carte de ce gala qui aura lieu également le 14 novembre prochain. Et à travers ça, comme d'habitude, potin une nouvelle fantaisie avec Frédéric. Et c'est clair qu'on va vous mentionner tout ce qui se passe d'actualité dans le merveilleux monde du MMA. Alors, d'entrée de jeu, parlons de ce gala Strike Force-là. Et commençons avec le combat principal qui opposait deux poids lourds, dont le très massif Brett Rogers, qui s'est présenté là avec tout près de 265 livres, là, 263 je pense à la pesée, alors que Fedor Emelianenko, lui, il n'a pas besoin de coupure, il est toujours là à peu près, il n'a pas besoin de couper du poids, il est toujours là lorsqu'il monte dans le ring ou dans une cage, aux alentours de 230 livres, il était à 232 lors de la pesée. Alors qu'on s'aidait quand même, on peut imaginer que Brett Rogers a sûrement monté dans la cage avec un peu plus de 265 livres. Là. Donc, 30-35 livres peut-être en faveur de Brett Rogers, mais tout de même, c'est le dernier empereur qui l'a remporté. Alors, Fred, évidemment, on veut savoir tes impressions sur ce combat. Oui, Fedor a remporté comme plusieurs s'attendaient, mais je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est une belle performance de Brett Rogers, qui aura surpris beaucoup de monde, là, sûrement, surtout avec son premier round. Dans les premiers instants, il a pogné Fedor avec un beau jab, et ça a fait saigner Fedor au nez, puis je pense pas que ça l'a dérangé plus que ça, mais Rogers a réussi à faire du dommage, justement, au premier round. Si on se rappelle, vers la fin, il y a eu une couple de belles séquences où ce que Fedor était sur le dos, puis Rogers a envoyé des bons coups solides, j'ai trouvé. Alors, Fedor gagne, et faut continuer à parler de Fedor, mais je pense que la plus grosse histoire entre les deux, peut-être, c'est Rogers qui a si bien fait quand le monde s'en attendait pas. Il faut dire que dès le premier coup de poing de Rogers, le jab dont tu nous as parlé, ça a touché la cible, mais Fedor n'a pas vraiment été affecté par ce coup-là, mais quand même une coupure béante là, sur le nez, fait en sorte qu'il a saigné abondamment tout le long de l'engagement. Je sais pas, ça a sûrement dû le gêner, puis le stresser un peu, parce que Fedor, il y a une seule défaite sur sa fiche, et c'était suite justement à ce genre d'incident-là, suite à une coupure, l'arbitre avait arrêté le combat. C'était un événement qui avait eu lieu au Japon. Alors, je suis convaincu dans la tête de combattant, mais il veut pas voir un combat arrêté à cause d'une coupure comme ça en début. Alors, peut-être tenter d'accélérer le processus. Puis évidemment, le sang qui coulait abondamment, ça peut gêner, ça peut lui couler dans la bouche, c'est pas trop agréable. Mais quand même, Fedor a dominé je pense, a remporté également le premier engagement, malgré qu'à un moment donné, Roger s'est retrouvé dans la garde de Fedor. Il est allé de coups percutants là, qui ont atteint la cible. Et Fedor, quand même, incroyablement, a absorbé les chocs et a tenté une clé de bras. Puis, il s'en est fallu de peu pour qu'il puisse la barrer, cette clé de bras-là, et qu'il puisse soumettre le géant américain, dont Fedor concédait quand même tout près de 4-5 pouces. Oui, mais tu vois, Rogers, je suis pas plus impressionné que ça par ses techniques, surtout par ses coups de poing qu'on dit très puissants et tout. Souvent, il arrive très large. Mais comme je disais la semaine passée, j'avais l'impression que Rogers manquerait pas de confiance, puis il n'a pas manqué justement hier. Il est rentré dans la cage, puis il a pris sa chance là avec tout le courage qu'il avait. Puis j'ai été impressionné par l'attitude, comment qu'il a poussé aussi l'attaque à certaines reprises. Aussi, une couple de fois en clinch, il s'est retrouvé Rogers, puis on pouvait voir que justement la différence de poids pouvait faire une différence. C'est sûr que Rogers a pas toute l'expérience pour savoir capitaliser de toutes les situations, mais il y a plusieurs belles séquences j'ai vues de Rogers dans le premier round. Au second round, je pense que Fedor a tout simplement, moi, repris ses sens et il a attendu l'erreur, puis il a connecté force, et après ça, c'était fini, là. Mais le premier round, personnellement, moi, je l'avais donné à Rogers pour ses belles séquences. Écoutez, on savait pas vraiment à quoi s'attendre à Brett Rogers. Vous et moi, en tout cas pour la majorité d'entre vous, on l'a vu à quelques reprises, peut-être à deux, trois occasions. En tout cas, moi, pour ma part, je l'ai vu contre Andrei Arlovski, évidemment, mais ça a duré quelques secondes, contre Rob Humphrey, puis contre James Thompson. Avant ça, je l'avais pas vu. Alors, je peux pas en dire beaucoup sur lui. Puis les adversaires qu'il a affrontés, c'était pas nécessairement des gros noms. Rob Humphrey, il y a personne qui connaît ça. James Thompson, on le connaît, mais c'est un combattant, je dirais, de fantaisie. Andrei Arlovski, c'est un gros nom, mais le combat a tellement pas duré long qu'on peut pas vraiment... On pouvait pas s'attendre à ce que Brett Rogers était vraiment comme combattant. Mais là, il a prouvé, avec la performance qu'il a donnée, bien, il reculera pas nécessairement parmi l'élite là, des poids lourds. Ou même au contraire, peut-être même que ça l'assure là, dans son poste que c'est vraiment un bon combattant poids lourd. Mais on a vu Fedor, même debout, était supérieur à Brett Rogers, des mains beaucoup plus rapides, plus mobiles également. Puis on a vu Fedor, un champion de sambo, puis un pratiquant de judo de longue date, envoyer Rogers valser là, comme une poupée de chiffon. Ah, il me semble que j'ai déjà entendu ça dans Rocky IV. C'est incroyable, là, Rogers, là, qui s'est fait projeter au sol quoi, à une ou deux reprises, au premier puis au deuxième engagement par Fedor, même si Fedor là, concédait beaucoup de poids au gros Brett Rogers. Oui, ben, tu vois, je pense qu'on a vu que d'un point de vue technique puis aptitude, Rogers a sûrement eu sa chance trop tôt, moi, je pense, contre Fedor. Rogers, c'est ça, justement, il m'a montré des belles choses dans la cage, mais il m'a aussi montré son inexpérience. Et je pense que c'est une preuve que Strikeforce aurait peut-être dû attendre un peu avant d'y donner sa chance. Mais avec ça dit, Rogers, comme je te dis, j'aime beaucoup l'aspect mental qu'il a montré tout au long, puis même après, il s'est pas montré découragé ou quoi que ce soit, puis au contraire, il m'a montré quand même aussi quelques belles aptitudes au courant du combat que je me dis que avec un bon entraîneur autour puis tout, le Brett Rogers peut quand même être un bon combattant dans le MMA. Ah, certainement. Puis comme à mon habitude, j'ai fait le tour pour voir ce que les gens à travers différents sites de MMA pensaient de ce premier round-là. Puis la majorité, presque à totalité, le donnait à Fedor Emelianenko. Sauf un juge, là, il y a le site Shardog, eux, qui ont il y a trois juges là de leur boîte là, qui s'amusent à donner leurs résultats. Puis deux d'entre eux ont donné le premier round à Fedor, mais l'un d'eux a donné le round à Brett Rogers. Alors, un premier round quand même, on peut le dire comme ça, chaudement disputé. Puis les coups que Brett Rogers a assénés à Fedor au sol, là, c'était des coups vraiment de puissance. Puis ça aurait pu endormir Fedor, là. Ça aurait pu Ouais, knocker. C'était vraiment des coups dangereux. c'est la raison pourquoi que j'ai donné à Rogers, parce que justement, en ground and pound vers la fin, j'ai eu un moment d'instant où ce que je me disais, oh, le combat va peut-être finir là, mais non, Fedor a repris sa composure, là, son composure qu'il dit en anglais. Il a repris ses sens, puis il a repris le contrôle, là, mais pendant une couple d'instants, j'ai dit, oh, Rogers, il a Fedor dans une mauvaise position, là, ici. Oui. Mais Fedor, je pense, a sacrifié recevoir quelques coups pour justement là, se placer en position pour tenter sa clé de bras. Et ça, t'sais, 2-3 mm, puis Fedor aurait pu barrer ça puis finir ça au premier engagement. Mais Rogers a démontré quand même, on connaissait rien, en tout cas pour ma part, je connaissais pas les aptitudes de Rogers au sol. Puis il a pas été si mauvais, là, même a réussi à se sortir là, à un moment donné du sol face à Fedor et de se relever. Ça, honnêtement, ça m'a surpris un peu. Mais par contre, en fin du premier round, je pense que c'était à ce moment-là, en tous les cas, peut-être, en tout cas, lors de ce combat-là, je pense qu'on a vu Brett Rogers à un moment donné fatigué, puis il y avait une fenêtre, une opportunité là, pour se relever à un moment donné, puis il n'en a pas profité. Je pense qu'il était complètement épuisé, puis il est resté au sol. Ouais, je pense que ça doit être aussi son inexpérience, parce que comme je disais, il est sorti fort, il a sorti avec tout ce qu'il avait Rogers. Moi, d'après moi, sa stratégie, c'est qu'il voulait un KO assez rapide. Et comme je dis, j'y donne beaucoup de crédit juste pour. On parlait de Tim Sylvia la semaine passée, puis il me semble, je me rappelle du combat contre Tim Sylvia. Avant le combat, on aurait dit que Tim Sylvia était déjà battu, il était nerveux, tout. Que j'ai pas vu autant que ça dans Brett Rogers, sauf pendant que l'annonceur annonçait son nom. Je dois admettre là que pendant un instant, j'ai trouvé qu'il commençait peut-être à être nerveux un peu, mais tout le reste du temps, toutes les autres entrevues, Rogers s'est tenu tellement bien que j'ai été impressionné comment il a géré la pression. Alors, Fedor, pour moi, c'est le meilleur livre pour livre au monde. Est-ce que on regarde les combats d'Anderson Silva puis de Georges St-Pierre, puis vous allez me dire, Anderson Silva et Georges sont bien plus dominants. Ils maltraitent leur adversaire facilement là, dans ces derniers temps. Fedor, c'est pas comme ça, mais Fedor, lui, il trouve toujours le moyen de gagner. Puis il perd jamais. Puis même s'il y a un gabarit, pour la majorité des adversaires qu'il affronte, là, un gabarit qui l'avantage pas, là, il est vraiment pas très grand, Fedor. Il a pas un physique découpé à Alistair Overeem, par exemple, et bien d'autres combattants poids lourds. Mais c'est un gars qui, je pense, lorsqu'on pense là, de la force mentale d'un athlète, eh bien lui, je pense que c'est vraiment l'exemple parfait. Et ce combat-là, je pense, ça nous donne raison de croire que Strike Force a une catégorie des poids lourds très intéressante. Et l'année 2010 et probablement même l'année 2009 va être très intéressant pour les amateurs de MMA. Et ben, pour finir avec ce combat, en tout cas pour ma part, ben, je vous mentionne que Fedor a terminé le combat par TKO au deuxième engagement. Une main arrière là, de Fedor lancée de loin là, c'était pas nécessaire. Ça semblait à une scène de Rocky là. Je me souviens plus dans lequel Les là. caméras étaient placées parfaitement, en tout cas. En plus, oui. Puis suite à son coup de poing, Fedor est presque tombé au sol lui-même là. C'était vraiment pas la technique parfaite, mais Rogers l'a mangé de plein fouet et l'arbitre n'a pas eu le choix d'arrêter le combat. Fedor l'a emporté et Rogers semblait un peu fâché de sa prestation, du déroulement du combat. Puis on voyait lors de ses déclarations d'après-combat qu'il avait hâte déjà de retourner à l'entraînement, d'améliorer. Puis là, je pense qu'il l'a vu peut-être là où il a fait des erreurs puisqu'il a à améliorer. Puis il va probablement, et surtout avec l'attitude qu'on l'a vu là lorsqu'il a discuté après le combat, mais je pense qu'on va revoir un Brett Rogers encore meilleur dans les prochaines années. Oui, juste continuer sa discussion des meilleurs livre pour livre, parce que c'est une discussion, moi j'aime bien. Moi, personnellement, je suis d'opinion, souvent il y a des commentaires là, plein d'émotions, tout ça. Moi, je suis d'opinion que ça soit Silva, GSP ou Fedor, les trois ont un argument pour être premier. Alors, quand quelqu'un me dit qu'ils ont Anderson Silva, ça me dérange pas plus que ça. Un de ces trois-là, ça me dérange pas plus que ça. Moi, personnellement, j'ai Georges St-Pierre, parce que j'aime beaucoup la préparation. Oui, il y a le fait que je suis québécois aussi, mais j'aime la préparation que Georges St-Pierre apporte à un combat. Pour moi, c'est vraiment le top. Mais comme je dis, Fedor, il est là. Et même si on regarde sur papier, il est sûrement le premier. C'est juste que les dernières années, il y a eu tellement moins d'activité aux yeux de certains. Il a peut-être descendu un peu, mais ouais, Fedor a absolument sa place, a un argument pour être le meilleur au monde, là, c'est sûr à 100%. Oui, c'est ça. Puis Fedor et Fedor surtout affrontent des combattants qui sont beaucoup plus gros que lui, beaucoup plus grands. Je pense que c'est l'un des points pour lui. Georges St-Pierre, pour moi, c'est l'athlète. Ça, c'est pour moi, dans ma tête, c'est certain. Là, c'est l'athlète par excellence, tout sport confondu. C'est l'athlète vraiment le complet. Il n'y a pas, athlétiquement parlant, je pense que s'il y a un prototype là, qu'on voudrait mettre sur pied, c'est Georges St-Pierre. Il a tous les atouts. Oui, mais St-Pierre, je pense que moi, personnellement, ce qui m'impressionne encore plus, c'est son mental. Que ça soit... qui a pas peur de parler de quoi que ce soit, qui est honnête, la préparation qu'il met dans un combat, tout le côté mental de l'équipe Georges St-Pierre, personnellement, c'est ça qui me fait le mettre numéro un. Ben, je suis extrêmement impressionné quand je vois les détails et tout qui apporte dans un combat. Oui, puis en plus, dans ces trois cas-là, je pense qu'on a affaire à trois bonnes personnes qui semblent mener des bonnes vies en dehors de la cage. Là, Fedor me semble être un gars très, très humble. Georges, bon, là, je sais pas que vous l'avez entendu dans l'entrevue, je pense qu'on le constate tout le temps par nous-mêmes. Quel gentil garçon, fils modèle. Puis même dans ses déclarations, c'est pas le genre nécessairement à mettre de l'eau sur du feu là, juste pour lever un combat respectueux. Puis du côté d'Anderson Silva également. Oui, c'est trois. Moi là, je pense qu'avec le temps, on va voir la différence justement que dans le MMA, il y a un certain aspect mental qui est important. Et la brute forte, elle réussira pas si souvent que ça de gagner comme elle peut réussir dans d'autres sports. Je pense que le côté mental dans les MMA, il est souvent pas assez parlé, puis il est très important. Ah, ça c'est certain. Lorsque tu te ramasses dans une cage contre un gars de 6 pieds 5 et 265 livres à la Brett Rogers, il faut que tu aies un mental fort, parce que sinon, ça se peut que tu te mettes en coin, en position fétale, puis en pleurant, en tout cas. Ce serait la réaction probablement de gens normaux. Ouais, ouais. T'as bien raison, c'est ça que je ferais moi. Ouais, non, regarde. Et là, là, là, là, là. Et parlons. Ben, avant de continuer sur les autres combats, là, j'aimerais qu'on parle un peu de la présentation de Strikeforce sur CBS. Comment as-tu apprécié ça, toi, bon, les commentateurs, tout, comment ça se déroulait? Jimmy Lennon Jr., qui était l'annonceur maison. As-tu aimé ça? Ah, moi, je suis pas un très grand amateur de cette équipe-là. Je vais te dire tout de suite que j'aimerais bien qu'il amène Lenny Hart comme annonceur. J'aime pas beaucoup Mauro Ranallo. Le plus que je l'entends, là, j'ai de la misère avec tout son excitement. Mais attends, Fred. Lenny Hart, là, c'est la japonaise. Ouais, ben c'est une américaine, à vrai dire. Là, c'est une chanteuse de jazz. Mais c'est ça, ouais, c'est elle qui fait les annoncements pour les Dream. Là, je sais pas si c'est encore elle la Dream, à vrai dire, je suis pas sûr. Non, c'est au Pride dans le passé. Ouais, c'est ça, dans le Pride dans le passé, mais il me semble qu'elle a peut-être été là pour certains Dream, Gala Dream aussi. Okay. Mais c'est ça, non, Strikeforce, puis qu'est-ce qui m'a beaucoup déçu aussi, l'UFC a l'aspect spectacle, je pense, beaucoup plus avec les entrées, la musique, ça donne de l'ambiance, puis ouais, on n'a pas eu ça pour Strikeforce, à part pour Jason Miller, là, mais... Puis j'ai bien aimé toutes ces madames qui étaient là pour l'aider, là, mais... À part Jason Miller, là, on n'a pas eu des entrées à générer de l'attention. Justement, moi qui étais en train de décrire les résultats, j'étais arrivé au premier combat, puis oups, les deux gars étaient déjà dans le ring, puis j'avais pas encore écrit rien sur le texte. Alors, ouais, ben c'est une vraie farce, ça, Fred. Il me semble, lorsqu'on présente des combats à la télé, l'entrée, là, c'est très important. Il me semble, c'est là que tu peux voir comment le combattant se sent. Il me semble, juste dans les yeux, de la manière dont il marche vers la cage. C'est comme ça qu'on en apprend tellement, puis ça nous met aussi dans l'atmosphère du combat. Puis là, c'est vrai, je pense que pour les deux premiers combats, soit celui de Mousasi face à Sokoudjou, puis de Verdum face à Silva, bon, on est arrivé là, puis c'était tout frais, puis on commence, puis on n'a pas été réchauffé. Je suis pas sûr, mais il me semble même le combat final de Fedor, il était Ah déjà non, dans la cage, on n'a pas vu c'est ça. d'entrée. Ben oui, regarde. Ça fait C'est un peu dur, j'ai trouvé. lamentable. Je ne sais pas comment. Il me semble que ça prend pas un génie pour comprendre ça. Je pense que je suis un peu avec toi, là. C'est le seul que j'ai vu faire son entrée, c'est Meller puis Jake Shields. Meller, un peu à la sauce japonaise, là. On voit ça plutôt rarement. En tout cas, l'UFC, moi, j'ai pas eu la chance de voir ça souvent. Mais Meller, une Non, entrée spectaculaire, de belle façon, puis un bon combat aussi. je sais pas si tu avais vu une entrée de Jason Miller à Dream il y a une couple de mois ou peut-être un an ou deux avec un paquet de petites filles. Au moins, ce coup-ci, Miller a choisi des filles avec à peu près 5-6 ans de plus. Ah là là là. Ben, c'est ça. Ben, moi, du trouver du côté de Frank Shamrock, qui était là, je pense, comme analyste, j'ai trouvé ça correct. Ronaldo, je trouve correct, sans plus. Mais effectivement, là, du côté du UFC puis de Spike TV sur le pay-per-view, lorsque le UFC présente des événements, évidemment, c'est un duo qui frappe très fort. Surtout Joe Rogan, il est excellent, en tous les cas pour moi. Je ne sais pas ce que nos auditeurs en ont pensé. On vous invite à commenter si vous avez une opinion là-dessus. Fred, Juste toi? un dernier commentaire, peut-être que l'aspect que CBS doit incorporer des annonces a affecté tout ça, mais même à ça, ils devraient tout revoir la présentation parce que ça enlève beaucoup au spectacle le fait qu'il n'y a pas les entrées. Non, certainement, ça, je suis de ton avis. Puis même l'annonceur maison, je sais que Jimmy Lennon Jr. A quand même, c'est un gars crédible dans le milieu, là. C'est lui, je pense, qui est l'annonceur pour les galas de boxe de Showtime, notamment. C'est un nom très respecté dans le milieu des annonceurs, mais effectivement, je préfère encore les deux frères Buffer. Alors, poursuivons avec le reste de la carte. Le combat qui précédait celui de Emelianenko face à Brett Rogers était celui de Jake Shields face à Jason Miller. Moi, j'avais pris Jason Miller pour remporter ce combat-là. Ça, c'était ma prédiction commanditée par ma voyante Gisèle, mais ça s'est pas avéré malheureusement. Par contre, je dois dire que j'ai été surpris de Jason Miller. Un niveau au sol là, puis en grappling qui m'a quand même assez impressionné mais par contre des grosses lacunes debout là, pas nécessairement son jeu debout mais plutôt pour éviter les tentatives d'amener au sol de Jake Shields qui presque à chaque fois ont réussi. J'ai pas compris le plan de match de Jason Miller parce qu'il s'est fait jouer le tour dans chacun des engagements. Il me semble que son jeu à lui, c'était essayer de bouger puis de demeurer debout le plus longtemps possible. Mais écoutez, l'entièreté du combat s'est jouée au sol et encore à corps. Oui, avant de demander sur sur le résultat, je voulais te demander, t'as-tu aimé le combat? Parce que moi, personnellement, j'ai aimé le combat. Il y a eu plusieurs ruées, j'ai trouvé. À un moment donné, pendant le combat, je me disais, on aurait besoin justement de Joe Rogan qui dise une niaiserie sur les spectateurs. Parce que moi, j'ai bien aimé quand même l'action qu'on a eue. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de coups et tout, mais d'un point de vue grappling au sol, là, on a eu des très belles transitions. Puis j'ai bien aimé, moi, le spectacle. Oui, le combat se serait déroulé au Japon, puis la foule aurait été en extase. Mais bon, aux États-Unis, je pense que les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe au sol, ou peut-être qu'ils comprennent, mais ils aiment pas ça, c'est tout. De ma part, j'ai bien apprécié des mouvements de transition. Quand même, Meller, moi, m'a vraiment impressionné, là, parce que Shields a eu le dos à Meller à de multiples reprises, mais il n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit. A pris la position montée, avait des positions dominantes sur Meller, mais Meller s'en est toujours sorti in extremis. Mais effectivement, il y a certains moments où Shields contrôlait Meller, mais faisait rien. Alors, il y a eu des moments, des bouts où vraiment, là, oui, Shields contrôlait, mais il parvenait pas à faire vraiment quelque chose d'efficace. Il avançait pas nécessairement dans le combat. Mais sinon, j'ai apprécié ce combat-là parce qu'il y a eu des revirements, des renversements, il y a eu des beaux mouvements et ça a été un bon combat quand même. Chacun des rounds ont été assez serrés, puis Jason Miller au sol, encore une fois, m'a vraiment impressionné. Puis peut-être que Jake Shields n'est peut-être pas aussi brillant qu'on semble nous le faire croire au sol également. Oui, ben regarde, moi je pense que Jake Shields a pas d'affaire à 185 livres. Je sais que Miller s'est déjà battu à 170, comme tu nous disais, mais il me semble, moi, je voyais une différence de grosseur entre les deux. Puis, ouais, peut-être que Shields aurait dû finir Miller, mais en même temps, je pense que ça dit beaucoup du jeu au sol de Miller, qui avait assez de connaissances pour contrer, tu sais, sans être assez fort pour attaquer lui-même, si on veut, là. Il savait toujours se placer en position pour pas être en danger. Puis, je pense que Miller a quand même une solide base pour ça. Je sais pas si tu te rappelles, moi, il y a eu une séquence là, que j'ai bien aimée. Je suis sorti de ma chaise. Jake Shields était couché sur le dos, puis Jason Miller était debout. Il a lancé un coup de poing, puis Shields a esquivé ça d'une façon incroyable. Il a fait un roulement sur lui-même. En tout cas, je sais pas si ça te dit quelque chose, mais c'était une belle séquence là où j'avais vraiment aimé le mouvement de Jake Shields, ses roulements sur lui-même. Non, ça m'a pas marqué autant que toi, en fait, non, ça me revient pas à l'esprit. Puis oui, Shields, il a bien joué, mais quand même, moi, c'est Meller vraiment là a bien fait. Puis c'est le seul qui est venu à il y a 5 secondes de plus, puis probablement qu'il allait endormir Jake Shields à la fin du troisième engagement. Oui, ce coup-là, sauf les caméras étaient mal placées parce que pendant un instant, je pensais que les yeux à Jake Shields partaient, mais à la reprise, on a vu qu'il était quand même correct, là, mais ouais, non, c'était une très belle soumission de Jason Miller. Je sais pas si on passe peut-être un peu vers Kung Lee, là, parce que Jake Shields, il est en train de dire à Kung Lee quasiment de le traiter de peureux, parce que Kung Lee, il revient là, le 19 décembre. Je sais pas si tu avais entendu. Oui, effectivement, pour affronter Scott Smith, C'était l'ancien champion à 185 livres et Kung Lee a laissé tomber la ceinture. Jake Shields a dit après le combat d'hier que Kung Lee a fait ça parce qu'il voulait pas l'affronter. Ce qui pourrait avoir un peu de sens parce que j'aime beaucoup les coups de pied de Kung Lee et tout, mais d'un point de vue sol, on a vu que Jake Shields est capable d'amener son opposant au sol. Je pense pas que Kung Lee réussirait à faire grand-chose, là. Oui, par contre, Kung Lee, je pense qu'il y a des techniques de projection très efficaces. En Shaolin Soo, ce sont des techniques qui sont pratiquées. Puis Kung Lee, quand même, il est habilité à pouvoir faire ça. Mais bon, pour éviter les tentatives d'amener au sol, ça, on n'en connaît pas assez. Kung Lee, il n'a pas fait beaucoup de combats en MMA, là, seulement quelques-uns. Mais il est invaincu jusqu'à maintenant. Invaincu en Shaolin Soo. Est-ce que Kung Lee, c'est un peu heureux, puis s'il est invaincu comme ça en Shaolin Soo, puis en K1 et en MMA, c'est parce qu'il veut pas affronter des gars qui pourraient le mettre en danger? Peut-être, qui sait, mais bon, on peut penser aussi que Kung Lee, c'était sa carrière cinématographique qui l'a empêché de combattre depuis déjà quelques temps quand même, là. Pas juste à cause de Jake Shields. Avant ça fait son dernier combat, c'était face à Frank Shamrock, si je me trompe pas. Alors, ça remonte déjà à plusieurs mois, là. 18 mois à peu près. Mais regarde, je pense pas que Kung Lee est peureux, mais je te dirais que d'après moi, Jake Shields est un très mauvais match-up pour lui. Que ça regarderait vraiment pas bien. Parce que non, je pense vraiment pas que Conley est un peu heureux. Je pense pas qu'aucun gars qui rentre dans la cage est un peu heureux. Ça, c'est officiel. Ouais, mais espérons. Bon, en tout cas, c'est sûr que le combat Lee face à Scott Smith, ça avantage Lee parce que Scott Smith, lui, ce qu'il aime, c'est échanger debout. Alors, évidemment, c'est le genre de confrontation qui plaît à Conley. Souhaitons que si Conley l'emporte, eh bien là, il y aura un combat à un moment donné, Conley face à Jake Shields, avant que Conley se retire complètement de ce sport-là. Je pense qu'on aura droit à cet affrontement-là. En tout cas, on se le souhaite. Ça pourrait être un combat très intéressant. Oui, l'autre combat, Jagar Mousasi. Jagar, tu le dis-tu bien, toi, là, maintenant? Non, moi, je continue de l'appeler Gérard. Gérard Mousasi, bon, Gérard pour les autres, affrontait Tsukudju. C'était un bon combat quand même. Le premier engagement, encore une fois, ma visite sur des sites Internet et on donnait le premier engagement pour plusieurs à Tsukudju, qui en a surpris plusieurs. Je pense que moi, ce que je reprochais à Tsukudju dans ses précédents combats qu'on a vus surtout dans le UFC, puis même dans Affliction face à Renato Sobral, qu'il s'épuisait très rapidement. Mais là, il me semble qu'il a montré un peu plus de souffle. Par contre, ce qui m'a impressionné de Mousasi, c'est sa détente debout. Ce gars-là a vraiment pas l'air stressé. Les mains également détendues, des bonnes mains, des excellents coups de pied aux jambes également. Sokoju aussi, là, Sokoju a placé quelques coups de pied dans les jambes de Mousasi et avec tellement de puissance, là, c'est sûr que Sokoju, là, c'est une bombe sur deux pattes, mais j'ai trouvé que Sokoju, à un moment donné, craignait Mousasi debout, puis on le voyait là, acculé contre le grillage, ou presque Sokoju, là, était pris là, puis Mousasi, lui, bon, c'était lui vraiment qui contrôlait l'espace à ce moment-là. Oui, moi, hier soir, j'ai écouté le combat avec quelques amis et il y en avait deux, trois qui sont des amateurs de MMA, mais je dirais qui sont juste là pour les combats. Ils viennent même pas m'encourager sur mon site, c'est un peu malheureux, mais tout ça pour dire que au début du combat, j'ai mentionné à un deux autres parce que dans les premiers instants, j'ai eu l'impression c'était comme Sokuju, c'était la puissance, puis Mousasi, c'était la grâce, c'était plus le style. Puis Sokuju m'a beaucoup impressionné, moi, dans les premiers instants, avec ses coups de pied aux jambes, surtout, il était bien solide. Mousasi a remis aussi une couple de coups de pied à son tour, là. Mais le premier round, il faudrait que je retourne sur le site, mais il me semble que je l'avais donné à Sokuju. Et j'avais été beaucoup impressionné par, justement, sa force, sa puissance. Comme tu dis, il semble manquer souvent de gaz. Et aussi, je pense que il a peut-être pas, au deuxième round, il n'y avait plus autant la bonne stratégie. Alors, Sokuju, c'est un excellent athlète. Faut juste qu'il raffine un peu ses aptitudes, je pense, parce que c'est un excellent athlète, là. Il a du talent quand même. Alors, avec un peu de raffinement, il est encore assez jeune. Il pourrait quand même être un bon combattant. Oui, puis encore une fois, c'est lui, c'est principalement, c'est le judo qui est sa force. Puis je pense, là, hier, c'est pour la première fois, moi, qui m'a démontré que c'est un judoka, là, de haut niveau, quand même, réussi, là, des projections de belle façon face à son adversaire, Mousasi, qui n'est pas le gars le plus facile à amener au sol. Là, Sokoju, moi, il m'a drôlement impressionné quand même avec ses techniques de judoka. Puis, c'est une cinquième défaite, par contre, là, dans son cas, Sokoju, il a 7 victoires. Alors, c'est une fiche peu convaincante, mais hier, quand même, pour moi, je pense qu'on peut, on peut penser que Sokoju, il est sur une bonne lancée, c'est-à-dire qu'il est sur la voie de s'améliorer, parce que moi, ses prestations face à Machida, notamment, face à Arthur Kane au UFC, Renato Sobral pour Affliction, m'avait déçu, là, quand même beaucoup. Puis depuis, bon, il avait été chercher 2 victoires pour l'organisation Dream face à deux combattants, je dirais, encore une fois, de fantasy. Mais là, je pense qu'il y a également, là, le 31 décembre, il va y avoir un affrontement pour le gala Hulk Sokoju face à Ikuhinisa Minowa au Japon. J'espère que Sokoju va être capable de se remettre de ce combat-là, quand même, qui a été très dur, très physique face à Mousasi. Sokoju a été impressionnant quelques reprises au sol, a réussi à se sortir de fâcheuses positions, mais on a quand même vu qu'au sol, il est un petit peu limité. Et Mousasi a terminé le combat à la fin. Je pense pas qu'il avait fait si mal que ça à Sokoju. Je pense que Sokoju avait peut-être plus assez d'énergie pour se défendre. Puis je pense également qu'il savait plus quoi faire pour se sortir de là. C'est pour ça qu'il a perdu. Mais Mousasi l'a pas ébranlé de manière si virulente que ça. Oui, mais tu vois, Sokuju, moi je pense que si on regarde juste pour Strike Force, c'est un combattant intéressant quand même, parce que Strike Force commence à grossir de plus en plus. Alors, disons, je pense que la majorité du monde penseront jamais que Sokuju va être un champion, mais il peut offrir des combats intéressants, que ce soit à un jeune ou à un vétéran qui vient de perdre et tout. Alors, Sokuju a quand même sa place, je pense. Que ça soit à Strike Force ou Dream ou les grosses, il va avoir encore du travail pour un petit temps. Ben oui, ça c'est certain. Là, même s'il y a une fiche de 7 et 5, puis quand même, ces défaites-là, c'était bon, face à Machida, entre autres. C'est pas des pizzeries. Renato Sobral non plus. Puis moi, je trouve qu'il s'est amélioré hier, a démontré plus d'énergie tout au long du combat. Puis il affrontait quand même Gegard, qui est un combattant d'élite, qui en était à sa 14e victoire consécutive hier, Mousasi. Maintenant, une fiche de 27 victoires, 2 défaites et un combat nul. C'est un combattant, je pense. Puis en plus, il vient tout juste de sortir d'une victoire en 1 minute face à Renato Sobral. Mousasi, c'est vraiment un combattant solide pour le Strike Force, qui est l'actuel champion des 205 livres, notamment. Je ne sais pas pourquoi le combat n'était pas un combat de championnat. Oui, Je suis un peu surpris. ça n'était pas un. Non, c'est vrai, c'était juste celui de. Oui, ça me dit quelque chose d'histoire. Faudrait que je retourne dans les notes. Je te le dirai la semaine prochaine. Mais il me semble que ça me dit quelque chose. J'en avais écrit à propos de ça, là, que c'était pas un combat de championnat. Je me dis peut-être que c'est parce que bon, Sokojo a un combat le 31 décembre, puis qu'un 5 engagements l'aurait vraiment affecté, puis il n'aurait pas pu disputer la finale au gala du Dream. Parce que, écoutez, le sport qui est le MMA, là, lorsque vous combattez comme ça dans des combats d'élite, là, c'est pas quand t'affrontes un pied de céleri, pas un pied de céleri, mais un combattant de, bon, disons, de deuxième, troisième niveau. Puis vous allez chercher une victoire assez rapidement, mais c'est pas si pire, là. Mais là, il faut penser que Sokoju, le camp d'entraînement pour s'entraîner, pour affronter Mousasi, puis le combat, qui est une vraie guerre quand même, là. On sort de là avec quelques bobos ici et là, ça c'est certain. Et c'est un sport qu'on peut pas nécessairement pratiquer là, au niveau comme ça, semaine après semaine. Alors, le mois de décembre va arriver très vite dans le cas de Sokoju. Dans le cas de Mousasi, on a hâte de voir qui seront ses prochains adversaires. Puis je trouve ça le fun que tu nous parles de Strike Force, puis de Sokoju, qui je pense qu'il a encore sa place pour Strike Force. J'ai pas de doute là-dessus. Quoi, Renato Sobral est encore là, je pense, pour l'organisation. Ce serait un beau défi, peut-être. Il y a Mike Whitehead également qui est encore là, je pense, qui vient de vaincre. Kevin Randleman, il n'y a pas si longtemps, dans un gala Strike Force précédent. Mohamed Lawal également, qui est un tout nouveau venu, mais qui est encore invaincu. Ce sont des noms peut-être qui seraient intéressants de voir affronter Sokoju face à ces noms-là également. Oui, tu viens de dire le Wall, ça tombe exactement dans le groupe que je dis, là, des jeunes qui ont besoin d'un opposant, un adversaire connu, mais pas trop non plus, si on veut, à un haut niveau, là, pour voir de quoi ils sont faits. Alors, c'est ça, ça explique, tu as expliqué exactement ce que je voulais dire là avec ça. Oui, par contre, en y réfléchissant, peut-être que Sokoju affronterait pas Lawal parce que Ouais, la même équipe. Sokoju, ouais, il s'entraîne pour la kick. Ouais. C'est ça que ça m'a rentré dans la tête aussi, mais je veux dire, c'est le genre de match-up que je verrais pour Sokoju, vu que ils sont il est à un niveau, tu sais, je dirais, je sais pas, peut-être dans les top 20, on pourrait le mettre dans la division 25. Alors, tu sais, pour un jeune qui monte ou un vétéran qui descend dans les classements, mais Sokoju, il peut offrir un combat intéressant, là. Ben, je ne sais pas top quoi, je ne peux pas te dire, mais moi je pense que Sokoju, c'est un combattant d'élite, puis il peut affronter n'importe qui. T'sais, il s'est mesuré à Machida. Le combat a duré presque deux rondes en entier. Puis Sokoju, il a pas mal paru tant que ça, là. On l'a vu épuisé, on l'a vu au sol, était limité. Mais je pense que Sokoju est capable d'affronter n'importe qui, là. Puis hier, il affrontait Mousasi, qui est quand même, je pense, le 205, le meilleur 205 livres outre UFC. Puis dans le UFC, je pense que Mousasi aurait sa place. Puis Mousasi a affronté des combattants quand même renommés à travers toute sa carrière. C'est parmi ses 26 victoires, il y en a plusieurs qui ont des noms respectables. Puis parmi ces 26 victoires, seulement deux ont été à la décision. Alors, il a l'habitude de finir ses combats avant le terme du combat. Alors, Mousasi, je pense, c'est un combattant très, très respectable, puis qui aurait facilement sa place dans le UFC, qui est l'actuel champion des 205 livres du Strike Force, qui est l'actuel champion du Dream pour la catégorie des 185 livres. Puis, ben, le titre doit être vacant maintenant, là, mais il l'a été en tous les cas. Puis il a été le champion également du gros tournoi des 185 livres du Dream. Puis je pense qu'il est également le champion du Cage Warrior dans la division des 185 livres. La Mousasi, c'était un gros nom. Il a seulement 24 ans. Sokoju a pas mal paru loin de là. Je pense que Sokoju peut affronter n'importe qui. C'est vraiment un gars plein de talent, mais qui, par contre, a quelques failles qui fait en sorte qu'il remporte peut-être pas ses combats contre les gros noms, mais qui est capable de disputer des bons combats. Puis, avec la puissance qu'il a dans ses jambes, Sokoju, il peut vaincre n'importe qui avec seulement un coup de pied. Oui, non, exactement, tu le dis très bien. Moi, la semaine passée, c'est ça que je disais aussi, je donnais un peu plus de chance que ça à Sokoju parce qu'il y a quand même beaucoup d'aptitudes. C'est juste, justement, il trouve toujours le moyen de perdre, mais quand même, il est fort, il est puissant. On voit que c'est un bon athlète, ça c'est officiel, il n'y a personne qui va dire le contraire. Alors, avec du raffinement, Sokoju pourrait être quand même un bon combattant, là, plus que bon. Oui. Ben, tout à fait d'accord. On a hâte de voir Sokuju dans son prochain combat qui devrait avoir lieu le 31 décembre au Japon. Parce que là, il me semble, on a une version améliorée de Sokuju. On l'a vu pour l'organisation, le Pride, puis on voyait en lui un potentiel incroyable. Il a battu deux noms très intéressants là-bas pour l'organisation, soit Ricardo Arona, un des Nogueira, là, par KO, spectaculaire. Alors là, on s'était enflé la tête. Mais après ça, on a vu qu'il y avait quelques failles ici et là. Puis s'il les corrige, bien, Sokuju peut être un combattant plus que respectable. Maintenant, on est encore dans les poids lourds. Alors pour dire que le Strike Force, vraiment, là, en poids lourd, là, je pense qu'ils vont avoir une prochaine année fort intéressante. Parce que l'autre combat poids lourd qui opposait Fabricio Werdum à Antonio Silva a été très. Ben, j'ai apprécié ce combat-là, moi, en tous les cas. Fred, est-ce que t'es satisfait de la décision des juges et as-tu apprécié, comme moi, ce combat? Pour commencer, oui, j'ai pas aucun problème avec la décision des juges. Je vais parler pour commencer justement d'apprécier le combat. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le combat. Je pense que c'était un excellent combat, parfait pour ouvrir la soirée sur CBS. Pour un paquet de monde qui connaissent pas plus que ça le MMA, c'était un combat qui était fait sur mesure. On a eu deux poids lourds qui bougent bien. J'ai été impressionné. Non, mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai été impressionné dans le premier round par les échanges qui se sont donnés et tout. Par après, ils ont ralenti un peu. Mais pour deux gros gars, Werdum aussi, là, ses mouvements, là, une fois au sol, ses roulements, puis tout, c'était impressionnant, c'était beau à voir. Et moi, j'ai beaucoup aimé le combat, personnellement. Je sais pas, j'ai aimé tous les combats, mais justement, j'ai lu sur des blogs anglophones, il y en a qui ont pas beaucoup aimé le combat, Werdum Silva. Et j'ai pas vraiment compris. Là, moi, personnellement, je l'ai trouvé excellent. Oui, un très bon combat. Honnêtement, la carte de Strike First, là, rien à envier à n'importe quelle autre carte de sport de combat, là, le UFC, la boxe, n'importe quoi, là, vraiment, on a présenté une carte très, très respectable hier, là, spectaculaire. Tous les combats ont été bien, puis également le match, les confrontations également. Il n'y a personne qui s'est fait vraiment déclasser, là. Ça a été vraiment C'était tous des combats technique. intéressants. C'était très technique, j'ai trouvé. Si on regarde Silva Werdum, il y a eu des très belles séquences. Et moi, Silva m'a impressionné parce que, pas qu'il m'a impressionné, il a fait ce que je m'attendais, qu'il y ait un assez bon sol pour contrer Werdum. Et debout, je l'aime bien, il a des mains pesantes. Dans le premier round, il a lancé une coupe de coups de pied que j'ai aimé. Il a arrêté de faire ça par après. Je sais pas s'il avait mal à une jambe ou la fatigue. Mais j'aurais aimé ça voir plus de coups de pied justement de Silva. Et Werdum aussi, de son côté, son stand-up m'a beaucoup impressionné. Pas impressionné, mais j'ai vu une nette amélioration. Et il m'avait déjà montré des bonnes mains et tout, Werdum. Mais là aussi, il y a une séquence, je me rappelle, au premier round, il s'est fait frapper, puis il m'a montré qu'il est revenu à lui vite. Il n'est pas tombé KO comme contre Junior Dos Santos. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le combat, je dois admettre. Oui, et Werdum frappe comme une petite fille, par contre. Honnêtement, là, des fois, il frappait Silva, je pense, à quelques reprises, plein fouet. Puis, ou soit Silva, il a un menton d'acier, là, mais il a même pas, tu sais, il a pas plié les genoux, rien. C'était comme une caresse, vraiment. Werdum n'a pas vraiment affecté Silva avec ses coups, même ses coups de genoux, avec, sauf à un moment donné, je pense. Au troisième, où Silva était également exténué, mais je pense que Werdum l'a atteint solidement avec un genou. Mais sinon, même au sol, Werdum, lorsqu'il l'a frappé, je pense pas que ça faisait très, très mal à Silva. Mais bon, je pense le premier round, sans aucun doute, à Silva. Les deux derniers à Werdum. Par contre, je pense que ça aurait été possible de donner un 18 pour Silva au premier engagement. Moi, j'ai donné un 19, là, mais j'aurais pas été renversé que quelqu'un puisse donner un 18. Silva avait dominé le premier engagement, puis avait atteint seulement Werdum, puis Werdum avait tombé au sol. Oui, ben, moi j'ai donné un 19 parce que je me rappelle justement, comme tu as dit, Werdum a quand même connecté quelques fois. Ça a peut-être pas si fait mal que ça à Silva, qui a l'air d'avoir une face en granit, ou ça a l'air fait au marteau et un petit clou, là. Mais non, comme je te dis, moi, j'ai Werdum, je pense, a fait une bonne job, puis je pense qu'on devrait s'attendre qu'il affronte Fedor dans son prochain combat. Et je vois Fedor remporter. Mais Verdum pourrait quand même allonger le combat parce qu'il y a un bon jujitsu, à moins qu'il se fasse mettre KO de bonne heure, là. Mais Ouais. ça pourrait être intéressant quand même, là. C'est sûr que c'est pas le plus beau duel du monde, là. Parce que d'après ce que je comprends, ça va être Verdum qui devrait affronter là, Fedor. Scott Coker, il disait que les deux gagnants s'affronteraient en attendant que Overeem se libère. Ouais, je sais pas pourquoi Overeem, ça lui prend tant de temps que ça. Est-ce que c'est parce que il faut qu'il fasse disparaître toutes les traces de produits dopants dans son corps pour venir en Amérique? Oh, je sais pas, c'est une petite pensée comme ça rapide. Et c'est que Silva, lui, sortait justement d'une suspension de combat en Amérique suite à l'utilisation de produits illicites. Et ça m'a surpris, il me semble que Silva m'a paru moins gros que d'habitude. Aussi Verdum qui était je trouve, parce que moi, dans ma tête, je pensais que Silva allait être beaucoup plus gros, puis au contraire, là, c'était quand même relativement similaire les deux physiques. Ouais, je sais pas. Je vais faire un commentaire qui va vous faire un peu questionner mon mes tendances peut-être là, mais Oh, je tendance veux dire sexuelle, de quoi tu nous parles, là? non, mais Pensons je vais faire juste dire attention. Verdum a un beau corps, un bon corps si on veut pour la MMA, je trouve, pour un poids lourd. La façon que son corps est fait à Verdum est faite comme un athlète allongé. Je sais pas, moi j'ai une certaine tendance à aimer les combattants là qui sont faits allongés. Puis Verdum est un bon athlète. C'est pour ça que je disais ça au début. Avec des bonnes techniques, on divague, ça peut arriver. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, mais écoute, Ben ouais. Mais j'ai c'est ça. confiance, mais non, mais je comprends ce que tu dis. C'est vrai, Antonio Silva, tu le dis, hein, il a une face comme il y a eu un manque de finition. Il s'est passé de quoi? Il a l'air d'un dessin animé, c'est vrai, il est bizarre, hein, mais Verdum, effectivement, il y a peut-être plus d'allonge. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai trouvé Parce que son jeu de ordinaire. regarde. Malgré un coup de pied qui a bien lancé, mais qui n'a pas touché la cible, bon, je pense que c'était son premier coup de pied. Ouais, mais je vais te ramener des fois je te parle tu sais du football américain puis parce que moi pour moi aux États-Unis, tu sais les top athlètes souvent vont se retrouver dans ce sport-là. Puis si on regarde tu sais les grands athlètes là que ça soit tu sais des Terrell Owens puis tout ça, c'est à ça que je veux dire le genre de corps d'athlète là allongé, fait fort comme Georges St-Pierre, c'est fait un peu plus petit, tu sais, c'est que si on compare à d'autres comme Sean Sherk ou que ça a plus l'air qu'il a levé des poids pendant bien longtemps. Je veux dire, c'est ça que je veux dire par un corps naturel d'athlète fait là, pour combattre, je trouve. J'aime ce prototype-là, si on veut dire, là. Ouais, ben parfait, Fred. Hey, ben c'est bien, Fabricio. Faut pas avoir peur dans la vie des mots, il n'y a rien qui Ben fait non. peur. Oh là là là là là. Et non, mais Fedor face à Verdum. Ben Fedor a affronté quand même à trois reprises Nogueira, qui combat dans l'UFC actuellement, le poids lourd. Puis ben Nogueira, dans sa force, c'est le sol. Puis Fedor a vraiment jamais été en danger là, au sol. Je pense que Verdum, ce serait assez facile pour lui. Par contre, Overeem, j'ai hâte de voir Overeem là, de retour en Amérique. Puis j'ai hâte de voir qui sera le prochain adversaire de Brett Rogers. Est-ce que ce sera Antonio Silva? Ça pourrait être intéressant aussi. Vraiment, là, c'est intéressant parce que le Strike Force ont beaucoup de noms à leur disposition qui peuvent faire en sorte qu'on aura des combats intéressants pour plusieurs autres galas pour cette organisation-là, qui, je pense, a des outils pour pouvoir rivaliser avec le UFC. Ce sera à eux à bien les employer et espérons qu'ils seront en mesure de le faire. Puis on a vu également dans l'assistance hier l'ami Andrei Arlovski. Arlovski qui était là sur place. Alors je pense qu'on peut penser qu'Arlovski pourrait faire un retour pour le Strike Force. Moi j'aimerais ça parce que Arlovski a tout le talent. Puis c'est ce genre de sport-là, tu peux perdre surtout dans les poids lourds contre n'importe qui, là. Est-ce que j'étais dans une gorgée de café? Je voulais te poser une question, peut-être en finissant sur Strike Force. Si tu regardes la division poids lourd en tout, puis tu la compares à l'UFC, à comparer d'hier, as-tu une plus haute opinion ou une plus basse opinion de la division poids lourd de Strike Force? Alors, si on compare la liste des combattants du UFC puis le Strike Force poids lourd, Ouais, puis le. avec qu'est-ce que tu as vu hier? Est-ce que parce que je sais qu'au début tu disais que tu n'étais pas un grand amateur de Verdum, Eni Silva et tout ça. Alors, si tu regardes les poids lourds que Strikeforce ont à matin à leur disposition, puis tu regardes ceux de l'UFC, tu penses que Strikeforce est dans une bonne position? Parce que moi, je suis pas convaincu de ça. Oui, on a eu des beaux combats hier, mais justement, si je regarde toute la division poids lourd en tant que telle, celle de l'UFC est plus belle, je trouve, encore pour le moment. C'est sûr qu'il y a Fedor chez Strikeforce, puis ça, l'UFC n'a pas de Fedor. Mais si je regarde les combattants qu'on nous offre chez les poids lourds de l'UFC, j'ai encore tendance à pencher vers de ce côté-là. C'est serré tant qu'à moi, parce que Fedor, quand même, c'est l'atout principal, c'est le meilleur, c'est le Ovechkin de ton équipe d'hockey. Pour les Européens qui nous écoutent, je sais pas, au football, le soccer, je connais pas grand-chose, je dirais que c'est le Zinedine Zidane Dis d'antan, là, c'est... Ronaldo, puis dis pas de premier nom, tu devrais être Ok. correct. En tout cas, hein, c'est ce genre de joueur-là. Tu sais, c'est la vedette, là. C'est le joueur franchise. Puis bon, quand même, Verdum puis Silva, c'est pas les gars que j'adore. Par contre, Verdum, hier, je l'ai aimé parce qu'il m'a montré des transitions au sol, là, des mouvements là fabuleux. Vraiment, moi, il m'a impressionné parce que là, il combattait quand même une ceinture noire également de Jiu-Jitsu brésilienne, Antonio Silva. Il se débrouille plus que bien au sol. Mais Verdum a complètement deviné le jeu au sol. Pas réussi nécessairement à appliquer une soumission, malheureusement pour lui, ou même à donner des coups de puissance tant que ça au sol, mais a dominé quand même, puis a pris des bonnes positions avantageuses face à Silva. Alors, Verdum, quand même, c'est un combattant d'élite dans les poids lourds. Si je l'aime pas particulièrement, mais c'est quand même un bon combattant. Puis là, ben, il commence à avoir des noms intéressants là, pour l'organisation. Alistair Overeem, j'ai hâte de le voir retour parce que c'est un vrai athlète. Andrei Arlovski également, je pense que comme combattant poids lourd, là, tu parlais de thème le physique de Verdum, mais tu sais, c'est un physique quand même, je pense, intéressant. Overeem puis Arlovski, c'est des gabarits impressionnants pour des poids lourds, c'est des gars agiles, habiles, mobiles, ça c'est intéressant. L'UFC, on a des bons lutteurs, puis également, c'est pas nécessairement des gros noms, ce sont des combattants qui n'ont pas tant d'expérience que ça. Je pense à Shane Carwin, entre autres, bon, il y a peut-être dans la trentaine, je pense qu'il y a une trentaine, début trentaine, Carwin, mais il n'y a pas beaucoup de combats à son actif. Cain Velasquez, moi c'est l'un de mes préférés, mais lui non plus, là, il est relativement jeune, il n'a pas beaucoup d'expérience non plus, ce sont des bons combattants, mais C'est sûr bon. que la machine marketing de l'UFC doit aider beaucoup à ça. Aussi, ça, si on veut, ça donne une impression, si on veut, l'image qu'elle est peut-être supérieure, là. Parce que oui, t'as raison, t'as des bons arguments quand même avec Verdum qui a bien paru. Puis si on oublie quelques mauvaises performances, c'est un excellent combattant. Et Rogers, qui est un jeune, on peut le mettre là avec Shane Carwin, quasiment un Brett Rogers avec comment qui a paru hier contre Fedor. Qui sait, Shane Carwin pourrait peut-être pas faire mieux, là, on ne sait pas. Alors, c'est ça, non, t'as raison, peut-être. C'est assez égal. Ils ont des belles divisions, les deux. Je pense que les poids lourds, en général, ils commencent à avoir de meilleurs athlètes, on voit, de plus en plus, puis plus raffinés. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, on se le souhaite là, que ça soit un peu plus technique dans les poids lourds, mais quand même, c'est le fun aussi de voir deux gars, mais deux gras aussi. Ça frappé l'un sur l'autre. Ça donne des bons spectacles. Ah, il y avait aussi dans l'assistance là Shinya Aoki. Je sais pas si tu as pu voir l'ami japonais Aoki dans Ouais. l'assistance aux côtés d'Orlovski. Ça, c'est rassurant, il me semble. J'aimerais bien voir Aoki également venir combattre ici un gars comme Gilbert Melendez ou Josh Thompson ou peu importe. Oui, non, Aoki. Regarde, avec mes amis, hier soir, quand je regardais, il disait. Il y avait des commentaires, ah, c'est Strike Force, ah, tout ça. Mais je leur disais, là, Strike Force, depuis une couple de mois, là, est vraiment en train de se bâtir un bel établi, là. Ils ont des bons noms dans parmi leurs pugilistes. Alors, ils vont pouvoir nous donner des beaux match-ups, que ce soit, comme tu dis, Melendez. Puis aussi, il y a un jeune, Lyle Beardum, là, qui est 13-0, qui a re-signé avec Strike Force. On dit beaucoup de bien. Alors, même chez les poids légers, c'est une autre division où ce que Strike Force a des bons combattants. On l'a vu chez les poids lourds hier. Jake Shields, d'après moi, devrait descendre à 170. C'est son poids plus naturel. Champion à 185, pour moi, c'est pas. Le vrai champion à 185, c'est simple, c'est Anderson Silva, puis il n'y a personne qui va jamais penser que Jake Shields est là. Mais c'est ça, non, sinon, Strikeforce a un beau produit à offrir. Ah, Jake Shields, je pense un combattant pour qui peut battre Anderson Silva. Ce sera un combattant qui va être en mesure d'amener Silva au sol. Puis honnêtement, Shields l'a fait avec une aisance assez déconcertante hier. Puis dans ses précédents combats également, Ouais. Shields l'a fait tout le temps de manière assez facile, moi qui me surprend tout le temps. Mais effectivement, est-ce qu'il serait en mesure de le faire contre un gars beaucoup plus gros que lui, là, comme Exactement. Anderson Silva? Exactement. Parce qu'hier, moi, hier, je pense que c'est ça peut-être qui l'a empêché aussi de finir, de prendre exactement. C'est vrai que Miller a les qualités pour se défendre au sol aussi. Mais d'après moi, peut-être la différence. Moi, je voyais une différence de poids quand je regardais le combat. Je ne sais pas à la pesée, tu sais, c'était juste une demi-livre, mais au moment du combat, je pourrais pas dire c'est quoi la différence. À regarder, il me semble que Miller paraissait un peu plus gros. Et justement, moi, je regardais des vieux combats de Shields avant le combat d'hier. Et si on regarde contre Sakurai, qui est plus petit, tout ça, tu sais, Shields bougeait bien. Contre Robbie Lawler, même, est fait plus petit, peut-être plus fort, mais il est fait, il me semble, il a pas une aussi grande taille que Jason Miller. Alors, je ne sais pas si Shields contre Anderson Silva pourrait faire quoi que ce soit, parce qu'Anderson Silva à 185, mais le soir du combat, il doit être à 200 livres facilement. Alors, ça serait une méchante différence. Ouais, non, ça c'est certain. Rapidement, pour le reste de la carte, je donne les résultats. Marlowe Connen, ça c'est un combat de femmes. Elle a battu Roxanne Modafferi. Les deux s'étaient déjà affrontés dans le passé. C'est Modafferi qui l'avait emporté, mais cette fois-ci, c'est Connen qui l'emporte. Et par son arme favorite, soumission, clé de bras à 1-0-5 du premier engagement. Jeff Curran, le vétéran de la WEC, entre autres, dans un combat qu'on s'est disputé à 150 livres face à Dustin Nice. Eh bien, Curran, l'Américain, a réussi à revenir sur le sentier de la victoire par soumission. J'ai pas vu le combat, mais je vois là, que c'est une blessure à Nice qui a fait en sorte que Curran l'emporte en 1 minute 39 du premier round. Dans la catégorie des 185 livres, John Colosi affrontait Shamar Bailey. Bailey l'emporte par la décision unanime. Taylor Louis, de son prénom, affrontait Nate Moore. C'est Moore qui l'emporte à 3 minutes 24 du deuxième engagement. Et finalement, Christian Offlacker affronte Jonatas Novaez. Et c'est Offlacker qui l'emporte par décision unanime. 29-26, 30-25, 30-25. Pour chacun des juges, alors une volée qu'Offlacker a donnée à Novaez, si on en croit la décision des juges et de la carte de pointage. Prochain rendez-vous pour un gala d'ampleur pour le Strike Force. Ce serait le 19 décembre prochain, à la maison mère du Strike Force, là où tout est né pour l'organisation, à San Jose. On sait que les propriétaires de Strike Force sont également les mêmes qui sont derrière l'équipe de hockey de la Ligue nationale de hockey, les Sharks de San Jose. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de combattants de là qui combattent. Donc, Kongli, évidemment, c'est là qu'ils s'entraînent avec l'équipe Kongli et également l'American Kickboxing Academy. Je pense que la demeure, c'est là, en Californie. C'est pour ça qu'on Tu vois, retrouve. Oui, vas-y. tu me l'as appris, mais je ne savais pas que c'était les propriétaires des Sharks. Merci. Oh, tiens, ça change nos vies. Hein? Hey, Ronaldo Souza, demain être là. Puis moi, j'aime bien Ronaldo Souza. Écoutez, moi, j'aimerais bien voir un affrontement Souza face à Jake Shields. Parce que, évidemment, c'est deux experts au sol. Je pense que Souza aurait l'avantage sur Jake Shields. Ça, ce serait vraiment une confrontation qui m'intéresserait là, particulièrement Souza face à Jake Shields. Mais avant ça, Souza devra se débarrasser de Matt Lindland. Matt Lindland, c'est quand même un bon combattant, là, un médaillé olympique en lutte. Mais comment il va revenir suite à la volée là, que Vitor Belfort lui avait infligée lors d'un événement Affliction? Matt Lindland, je veux pas me tromper avec Jeremy Horn, c'est-tu lui qui a plein de combats? Non, ça c'est Jeremy Ok, Horn. ouais, je me Oui, donc trompe. c'est vrai, hein, il doit avoir une centaine de combats. Matt Ouais. Lindland, il s'entraînait avec Randy Couture et Ouais. Dan Anderson pour la Team Quest. Bon, Couture, lui, a quitté, mais Lindland Dan Anderson, eux, sont restés. Lindland est un médaillé olympique en lutte. Alors, un excellent lutteur. Pas très beau. Il a fait de la politique, Ouais, il s'est évidemment. présenté récemment en politique, c'est ça. Ouais, non, c'est un bon combattant de base de lutte. On l'a vu dans l'UFC, comme tu dis. Oui. Ouais, ça devrait être un bon combat qui contre Souza. J'ai peur peut-être que si hier on a entendu des huées, ça serait peut-être le genre de combat qui pourrait offrir aussi des huées là. Mais on va voir. Moi, en tant que puriste amateur de MMA, oui, j'aime ça beaucoup comme affrontement là, c'est sûr. Oui, puis bon, tu nous as parlé de Kong Lee face à Scott Smith. Ça pourrait être une guerre. Parce que Scott Smith, là, dans ses derniers combats, ça a été que des combats incroyables. Peut-être pas contre Nick Diaz, parce que Diaz, il en a sacré toute une. Mais avant ça, c'est deux affrontements face à Robbie Lawler, puis également un affrontement face à, je pense, Benji Radach. Je me souviens plus de son nom. Je Ouais. pense que c'était ça. Je le Ouais. connais pas vraiment, mais il me semble que c'était ça. Hein. C'était des combats de l'année, là. C'était vraiment des guerres, des fous furieux qui s'affrontaient coup pour coup. Puis Scott Smith, même si parfois aurait l'avantage d'amener le combat au sol, face à Kong Lee, par exemple, Scott Smith, c'est un combattant de MMA très expérimenté. Ce serait peut-être à son avantage, mais j'ai comme l'impression que c'est pas ça qu'il va faire. Il va faire une guerre debout face à Kong Lee et ce sera le meilleur avec leurs mains et avec leurs pieds qui va remporter ce duel-là. Oui, t'as-tu un souvenir d'un combat, je me rappelle plus contre qui, c'est dans l'UFC, on le voit souvent dans les faits saillants, Scott Oui, Smith reçoit un coup, il Pixel. a mal, puis après ça, il passe le KO, là, ça c'est un classique, c'est un beau KO, ça, à se rappeler. Face à Pixel, je Ça pense. se peut bien, je me rappelle plus c'est qui, mais c'est un beau KO, ça. Un coup au corps, puis Scott Smith se tord de douleur. L'adversaire, qui à mon souvenir est Pixel, mais c'est peut-être pas lui, dans tous les cas, lui se dirige là, violemment face à Scott Smith. Puis Scott Smith trouve juste assez de force pour se déhancher comme un malade, puis lui envoyer une main arrière là, de plein fouet. Puis l'autre tombe, knock-out. Puis Scott Smith se tord encore douleur au sol. Effectivement, Fred, un bon moment de MMA. Un classique qu'on va se rappeler pour des années, sûrement. Ouais, puis bon, il y a également Mohamed Lawal qui devrait faire son entrée pour le Strike Force. Robbie Lawler devrait être de retour suite à la défaite que Shields lui avait fait encaisser. Christian Santos, peut-être, pour mettre son titre en jeu pour la toute première fois. Et son conjoint également devrait être là. Evangelista Santos, les deux de la chute boxe, tout comme Fabricio Werdum, qui est maintenant avec la chute boxe. Oh là là, Strike Force, vraiment, hier, là, un beau spectacle. Et Il va franchement, là. falloir que tu ailles voir les commentaires parce que moi je suis en train de les lire. Si on pensait que Machida Rua ça a causé des chicanes, allez voir les commentaires. Il y en a qui sont en train de débattre de qui est le meilleur au monde, Silva, GSP ou Fedor. Et il y a beaucoup d'émotions, c'est comique. Alors je vous encourage. Oui, ben c'est le fun. Les gens prennent ça à cœur et c'est tant mieux. Bon, rapidement, là, pour finir avec l'organisation Strike Force, il y avait un événement également la veille, soit le 6 novembre. Ça, c'était en Californie cette fois-là. C'est un Strike Force Challenger, alors l'espèce de club école, là, les petits poussins du Strike Force qui combattaient. Georgie Gargell, vétéran du UFC, était là et il a perdu son combat, Gargell. Malheureusement pour lui, il affrontait l'invaincu Billy Evangelista, qui maintenant a une fiche de 10 victoires contre aucune défaite et un no contest, puisque Evangelista est allé chercher une décision unanime face à Georgie Gargell, fier partenaire d'entraînement de Rich Franklin notamment. Je vous donne pas les résultats des autres combats vraiment parce que ça serait trop long. Puis vous pouvez aller voir mmnouvelle.com, mais je pense que les résultats ils sont, hein, Fred? Oui, j'avais mis tous les résultats là, mais je vais t'admettre, j'ai même pas eu le temps de regarder ce gala-là ou le Sengoku encore. Alors, je vais te laisser aller avec les résultats du Sengoku. OK. Pour finir, pour le Strike Force, je vous donne quand même deux autres résultats. Plus il y a un autre ancien du UFC qui y était, puis vous le connaissez peut-être parce qu'il a participé à The Ultimate Fighter. Puis récemment, en 2009, il a combattu au Japon également pour l'organisation Dream. Puis il avait réussi à aller chercher une victoire. Bien, Jesse Taylor était là encore hier. Il a affronté Luke Rockhold. Il faut pas se tromper avec Rockhold, lui, est au UFC. Luke Rockhold, un autre combattant. Ben c'est Rockhold qui l'emporte par étranglement arrière au premier round. Puis je vous avais parlé d'un Français également, ce sera le dernier résultat que je vous mentionne. Mais il y avait un Français lors de cette carte-là du nom de Ousmane Thomas Diagne qui était là, qui est un pratiquant de Kung Fu de longue date et également par la suite de Sancho, bien lui qui s'entraîne maintenant avec Conley affrontait Merritt Warren. Et bien malheureusement, le Français s'est incliné au premier engagement par une clé de cheville. Le Français maintenant possède une fiche de une victoire contre une défaite. Alors c'était ça pour tous les événements Strike Force. On se déplace parce qu'écoutez, on a une équipe de recherchistes assez incroyable à la voix des guerriers. On est maintenant au Japon, oui, c'est bien ça, pour un événement Sengoku, 11e événement de l'organisation. Allons-y avec quelques résultats. Je vous mentionne les résultats qui sont susceptibles de vous intéresser un peu plus. Atsuyoki, on le connaît bien, surtout ici au Québec, puisqu'il a combattu pour l'organisation TKO. D'ailleurs, il a été champion de l'organisation, puisqu'il a vaincu, je pense, Thierry Kelvin, entre autres, Mark the Machine Dominic à deux reprises, avec de belles prestations. Alors, le Japonais s'est incliné, par contre, là, cette fois-ci, Atsuyoki, face à un comparse, puisque c'est Michihiro Omigawa, qui a réussi à le vaincre par décision partagé. Du côté du Brésilien Jorge Santiago, lui, affrontait Mamed Kalidov. Et c'est Kalidov, à la surprise générale, qui l'emporte par KO au premier engagement. Et je ne sais pas si c'est ce combat-là là, que j'ai vu quelques images. Puis Mamed Kalidov m'a surpris. Une copie conforme. Je pense que c'est bien le combat-là, là. Une copie conforme à Gegard Mousasi, vraiment physiquement, là, il se ressemble. C'est assez incroyable. Par la suite, d'autres résultats qui pourraient vous intéresser. Stanislav Nedekov affrontait Kevin Randleman. Randleman, on le connaît pour ses prestations au Pride, parce que c'est un partenaire d'entraînement de Mark Coleman, de Wes Sims, de Phil Baroni, parce qu'il a été champion du UFC également. Mais ça va pas très bien pour lui. Et encore une fois, l'Américain a perdu son combat par décision partagée, puisque Nedkov l'emporte et va chercher ainsi donc une 8e victoire, lui qui est encore une fois sans défaite, alors que Kevin Randleman, le vétéran de 38 ans maintenant, se retrouve avec une fiche de 17 victoires et de 14 défaites. Akihiro Gono, le Japonais, très expérimenté, est allé chercher une victoire par décision unanime face à un inconnu du nom de Young Kim. Ah, Dave Herman, maintenant dans les poids lourds, un géant de tout près de 6 pieds et 5, affrontait un Australien du nom de Jim York de la Nouvelle-Zélande, plus précisément, je m'en excuse. Jim York qui vient de battre James Thompson, après ça, avait été défait par Antonio Silva. Eh bien, Herman l'a battu. Je ne sais pas si tu vas peut-être avoir la chance de voir ce combat-là à un moment donné. Fred remarque que Jimmy York tente une clé de cheville sur Herman alors qu'il était en train d'appliquer ça. Eh bien, Herman utilise les règles qui sont en vigueur là, au Japon pour l'organisation Sengoku. Et dans cette position-là, les deux sont étendus au sol. Herman lui sac des coups de pied en pleine face au sol. Et c'est comme ça qu'il a remporté son combat. York ne répondait plus suite à ses coups de talon en plein en face et victoire de Dave Herman qui va maintenant améliorer sa fiche. Lui qui n'a qu'une défaite jusqu'à maintenant et maintenant il a 16 victoires, tous acquises avant la limite de ses combats. Alors il a maintenant 13 victoires par KO ou TKO et 3 victoires par soumission. Oui, je vais essayer de regarder ça. J'ai pas vu encore aucun des combats, mais vu que tu le mentionnes, je vais aller regarder, c'est sûr. Alors, c'est ça pour le prochain rendez-vous Sengoku, mais ce sera le 31 décembre, moment qu'on attend tous avec impatience. Malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, c'est comme vous le pensez. Il y a également l'organisation rivale, là, également japonaise, qui organise un événement le même soir. Mais pour le Sengoku, quand même, on aura peut-être la passation des pouvoirs, plus le médaillé d'or judoka, je pense de 2000. Je peux peut-être me tromper dans les années, mais de toute manière, on s'en fout. Hidehiko Yoshida va être là pour affronter un autre champion médaillé d'or olympique en judo, un japonais également, pour affronter Satoshi Ishii. Alors ça, ce sera intéressant. Moi, je vais suivre la carrière de Satoshi Ishii. J'ai comme beaucoup d'espoir en lui, même si je ne le connais pas vraiment. Je pense qu'il a un certain potentiel et je dis ça vraiment sous toute... C'est un feeling, feeling. Alors, c'est tout pour les résultats qu'on avait à donner. Et je pense que c'est. Hey, mais avant là qu'on parte en pause, là, puis qu'il y ait une petite musique là qui vous dilate les oreilles, Fred, évidemment, maintenant, lorsqu'il y a des galas intéressants comme ça, bien, on invite les gens à aller sur mmenouvelles.com. Puis d'ailleurs, on vous invite à y aller le plus souvent possible pour aller retrouver la joie et le bonheur. Vous allez sur mmenouvelles.com et il y a toujours le pari virtuel en vigueur. Oh mon Dieu, qu'on a du plaisir avec ça. Franchement, là, pour ceux là, qui voulaient mettre peut-être fin à leur jour, là, franchement, c'est le genre de choses qui peut, je pense, faire en sorte que non, vous allez retrouver la joie de vivre, là. Paris virtuel, vraiment intéressant. Et est-ce que ça s'est bien passé pour toi hier, Fred? Je sais pas si tu y participes. Ben moi j'y participe juste en tant que bookmaker. Mon but c'est de vous enlever vos crédits virtuels. Avec ça dit, malheureusement j'ai pas encore compilé les résultats. Ils sont pas affichés, mais ils devraient être affichés en même temps que je poste que vous nous écoutez. Alors ça va être fait tout de suite après qu'on a fini d'enregistrer l'émission. Et oui, ça a très bien été. Il y a plusieurs personnes qui ont participé. Je pense qu'on est rendu à 34 participants, quelque chose comme ça. Alors, je remercie tout le monde qui participe. Continuez, c'est super amusant. Moi, comme je dis, mon but, c'est de jouer le rôle du bookmaker. Et ça va venir assez vite. Je vais rajouter des statistiques du genre combien de crédits ont été mis. Alors, parce que tout le monde commence avec 1000 crédits, plus ceux qui vont pouvoir en emprunter. Alors, il va avoir des statistiques à savoir combien des crédits j'ai réussi à aller vous chercher. Et honnêtement, je suis pas un très bon bookmaker. À date, il y a des combats où ce que je me retrouve que si un ou l'autre gagne, je perds de l'argent. Alors, ça va pas bien. Alors, bon, Fred, le bookmaker, l'homme nouvelle, il va prendre de l'expérience, puis à un moment donné, il va tout nous voler, mais c'est pas grave. Pourquoi? Ben parce que c'est un pari virtuel, ça vous coûte absolument rien. C'est vraiment, là, honnêtement, puis c'est assez simple, il faut simplement cliquer en haut à droite sur pari virtuel, il faut s'inscrire là, puis ensuite, le bonheur est accessible sans frais. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à ça, puis je suis assez content. Ça s'est bien passé, malgré, bon, une erreur, là, suite encore une fois, c'est toujours, jusqu'à maintenant, mes prédictions qui sont commanditées par ma voyante Gisèle qui me font faux bon, mais j'ai espoir qu'un jour ça puisse fonctionner. Et on vous invite, parce que les prochains paris virtuels, le prochain événement qui se déroulera la semaine prochaine, mais il y a trois combats sur lesquels vous pouvez miser, dont celui qui va opposer Randy Couture à Brandon Vera, Dennis Kang face à Michael Bisping, Mike Swick face à Dan Hardy. Alors faites vos mises, ma gang d'amateurs de MMA. Et maintenant, Fred, qu'est-ce que tu dirais si on allait prendre une petite gorgée d'un breuvage quelconque? Je pense que toi, ce sera un petit café signé Tim Tim Horton, Hort Hortons. j'ai pas peur de leur donner de la publicité gratuite. Je suis là tous les matins. Quand je suis allé à Las Vegas cet été, quand je suis retourné au Tim Hortons, la madame m'a demandé où c'est que j'étais parce que elle se demandait, elle m'a pas vu alors. Bon, Tim Hortons, ce sont des bons produits en plus qui vont vous réveiller et vous donner le goût de vivre. En France, il ne doit pas y avoir de Tim Hortons, malheureusement. Et un jour, on vous dira qui est Tim Hortons. C'est un joueur de hockey pas tant célèbre que ça pour ses habiletés, je pense. Mais là, on s'en fout. Pourquoi qu'on vous parle de ça? Parce qu'on s'en va en pause et qu'on vous revient après ça avec des sujets qui vont être tellement intéressants, là. Manquez pas ça. UFC 105. Oh, alors on vous félicite, vous avez pris la bonne décision, puisque vous écoutez la voix des guerriers, vous devriez le faire, et j'espère que vous le faites, et vous le devez le faire probablement, le faire à chaque semaine, de semaine en semaine, c'est l'émission à écouter pour être au courant de tout ce qui se passe dans le milieu du MMA, au Québec, en France et à travers toute la planète. Il faut absolument nous écouter. Pour ce faire, vous vous rendez sur mmanouvelle.com, et si vous nous écoutez présentement, c'est que vous l'avez déjà fait. Alors pourquoi je vous le dis, je sais pas, mais on aime ça, et juste le rappeler, et essayer de connaître un ami... de le faire, et un jour, on sera un groupe dangereux à écouter la voix des guerriers. Et évidemment, là, on va parler des nouvelles des patins et tout ce qui se passe dans le MMA. Et avec qui? Avec l'homme nouvelle lui-même, Monsieur Divertissement également, Showtime, Frédéric Garcia. Qu'est-ce qui se passe sur Planète MMA? Je t'écoute. Ah, merci pour cette belle entrée-là. Il me semble que c'était avec beaucoup d'énergie. Pour commencer, on va parler avec Dan Anderson, parce que Dan Anderson, là, ses négociations, là, ça va pas très bien, il me semble, avec l'UFC. Ou peut-être ça va bien avec Strikeforce, puis ça va pas bien avec l'UFC. On dirait de plus en plus que Dan Anderson, il s'en va vers Strikeforce. Il n'y a rien d'officiel pour le moment. Dana White a fait des commentaires cette semaine à Yahoo Sports où ce qu'il disait à Kevin Ioli, le journaliste et aussi reconnu pour être un ami de Dana White. Il a dit à Kevin Ioli que Dan Anderson s'en allait chez Strikeforce. Il en était sûr à 1000%. Alors, Dan Anderson a répliqué qu'il n'y avait pas d'entente à date et ça, il en était sûr à 1000% lui aussi. Dan Anderson, par après, j'ai mis une entrevue sur mon site. Il restait très poli, puis il disait qu'il souhaitait le meilleur à l'UFC, mais il a donné l'impression aussi, je pense, qu'il s'en allait là, de l'UFC. Ou c'est sûr qu'il a aussi dit que les négociations étaient pas finies, mais je pense que Dan Anderson, dans sa tête, a accepté que Dana White n'ira pas y donner ce qu'il veut. Il y a aussi eu Dana White, c'est ça, Dana White a souvent tendance là à exagérer des choses, je pense, puis ça me laisse un peu avec un goût amer dans ces techniques de négociation, parce que justement, Dana White a dit il y a quelques semaines à l'effet que Dan Anderson voulait être le combattant le plus haut payé dans le MMA, ce que Dan Anderson a complètement nié, et c'est ça, c'est des techniques un peu bizarres de Dana White avec Dan Anderson. Dan Anderson, lui, reste calme, reste poli, puis j'aime beaucoup comment qui se porte, qui se comporte dans tout ça, là. Alors, on va voir comment ça arrive. Je sais pas si toi, t'as suivi un peu, là, Dan Anderson puis Dana White. Ouais, légèrement, puis effectivement, Dana White, je lis pas tout, moi, puis je suis vraiment pas au courant comme toi, Fred, mais je pense que force est de constater qu'il y a une grande gueule, l'ami Dana White, mais il fait beaucoup de bien pour le UFC. Il va continuer à en faire, mais à un moment donné, il va peut-être finir par se brûler. Il faut pas qu'il se mette tous les combattants à dos comme ça. Il l'a déjà fait avec plusieurs combattants, mais vont souvent les relations sont rétablies quand même. Alors on peut s'imaginer qu'en fin de compte, c'est un charmant garçon, ce Dana White là. Mais il faut qu'il soit prudent. Surtout que là, Strikeforce, je pense qu'ils vont être en mesure. En tout cas, moi, je le souhaite, ils vont réussir à s'implanter et d'être une organisation importante de MMA. Et ça me fait un peu de peine parce que je parlais à du monde qui sont supposés des amateurs de MMA, des gens qui pratiquent, là, qui s'entraînent dans ce sport-là ici au Québec. À Québec un peu plus parce que je viens de là. Puis crime, il y a du monde qui connaissait même pas l'organisation Strikeforce, qui connaissait même pas Fedor Emelianenko. Si vous êtes des véritables amateurs de MMA, vous connaissez Fedor, vous connaissez Strikeforce, ou vous devriez le connaître. Alors, écoutez, là, le UFC, il n'y a pas juste le UFC sur la Terre, là, il y a d'autres organisations. Puis, je pense que, et j'espère que ça va faire en sorte que le sport va être plus reconnu. Que Dana White, évidemment, lui, son but, c'est de faire connaître le UFC, c'est d'accroître le succès financier du UFC. Il y parvient de belle façon, semble-t-il. Mais moi, mon objectif, c'est que ce sport-là explose totalement parce qu'il gagne à être connu. C'est ce que je souhaite pour ce sport-là. Tu vois, regarde-moi là, dans mon monde parfait à moi, là, j'aimerais ça voir une genre de réplique d'un système qu'on a, si on veut, que ce soit la NFL ou la NHL, où il y aurait un certain syndicat, si on veut, union des combattants, et qu'il y aurait leur part égale un peu plus. Parce que, oui, j'aime beaucoup Strikeforce, puis en ce moment, oui, c'est une solution excellente, mais à long terme, là, je voudrais pas qu'il y ait 4-5 promotions différentes qui séparent tout le talent à égalité, puis qu'on n'ait plus une compagnie qui domine et qu'on n'ait plus des vrais champions. C'est plus cet aspect-là qui me fait peur. Alors moi, dans mon monde parfait, il faudrait un genre de système similaire, si on veut, à la ligue de hockey, là, la NHL ou la NFL, où il y a une certaine union qui garantit que les combattants ont un pourcentage. Parce que là, je vous lance juste des chiffres que j'ai entendus, genre à l'émission Off the Record de Michael Landsberg à TSN, où ce qu'il disait, par exemple, que dans la NFL, c'était, je pense, 47% des revenus qui revenaient aux joueurs. Et dans la NHL aussi, c'était similaire. Et que dans le UFC, c'était à peu près 10-15%. Alors, ça vous montre un peu là, que le partage des revenus n'est peut-être pas égal. Et encore là, je dis toujours, on n'a pas les vrais chiffres. Je pense qu'il y a beaucoup d'enveloppes qui se passent en dessous de la table pour garder des sourires. Alors, c'est pour ça que je dis avec réserve tous ces chiffres-là. Mais moi, dans un monde parfait, on s'enlignerait plus vers un style, si on veut, avec une union des combattants qui s'assure que tout le monde a un salaire minimum et des bonnes conditions, là. Ouais. Mais moi, ça me gêne pas qu'il y ait des compagnie comme ça, rivale, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les dirigeants de ces organisations-là soient assez matures et professionnels et amoureux de le sport pour faire en sorte de, si à un moment donné, là, on voit, je sais pas, disons, dans une division, là, les combattants de chacune des organisations, disons, Anderson Silva, ben, il l'a déjà fait, là, il a fait le nettoyage au grand complet des 185 livres du UFC, puis qu'un autre combattant de Strikeforce, là, je sais pas. Disons que Dan Anderson vient au Strikeforce, puis après 2 ans, il a nettoyé toutes les 185 livres du Strikeforce. Ben, j'espère que les dirigeants de ces organisations-là soient assez matures, responsables et amoureux de leur sport pour faire en sorte de pouvoir peut-être coproduire de manière occasionnelle des événements, puis de faire combattre les meilleurs au monde. Avec l'UFC, ça arrivera jamais, je pense. Dana White mettra jamais un combattant au-dessus de sa promotion. Et d'une façon, je peux pas le blâmer. Moi, à sa place, je ferais la même chose. Je sais que certains vont trouver qu'il est dur, tout ça, mais faut pas oublier que Dana White, lui, au début, c'est le président de l'UFC, c'est pas le président du MMA. Alors, c'est sûr, c'est décevant pour les amateurs au bout de la ligne, mais comme je dis, je vois vraiment pas Dana White faire ce genre de combat-là. Oh, ben, effectivement, hein, ça a pas l'air d'être dans ses options, et c'est pour ça, je pense, entre autres, que Fedor a signé pour Strikeforce, puisque Strikeforce a accepté d'emblée que le M1 Global puisse coproduire les événements auxquels Fedor participe. Ouais, on va passer à un autre sujet qui va toucher un de nos héros locaux, Georges Saint-Pierre, mon Ken. Ah, je pensais que tu allais parler de moi. Ah, ben ouais, ben je sais pas, t'as-tu un gros sponsor qui t'a signé, Nike ou quelqu'un, non? Non, et je suis un héros local, là. J'ai été champion quand même, le premier champion de bagarre d'oreiller de mon quartier. Je veux pas m'en vanter, là, on va y aller avec Georges Saint-Pierre, c'est sa journée aujourd'hui. Oui, Georges Saint-Pierre a signé avec la compagnie Under Armour pour commanditaire. Under Armour, c'est une grosse compagnie qu'on voit souvent dans les matchs de football. On va voir des annonces avec Ray Lewis, avec un thème un peu, si on veut, de guerre ou de guerrier de football. Georges Saint-Pierre va représenter plusieurs produits pour la compagnie. Il s'agit d'une entente de plusieurs années, mais j'ai pas réussi à trouver combien d'années. Et ça va commencer en 2010. Georges Saint-Pierre qui a déjà signé avec Gatorade, puis là, Under Armour, on peut voir que Georges Saint-Pierre, là, c'est l'exemple là, dans le MMA. Alors, un message à tout le monde, là, agissez comme Georges Saint-Pierre et tout, puis vous allez finir là par avoir les gros sponsors avec vous. Et attention. On les voit de plus en plus aussi, parce que je sais que EA Sports fait un jeu et tout, mais justement, EA Sports, c'est une grosse compagnie, on les voyait hier, dans l'UFC, on voit déjà Budweiser, on voit Harley Davidson. Alors, les grosses compagnies vont se joindre de plus en plus avec les combattants, pis c'est tant mieux, parce que ils vont faire de l'argent avec ça. La seule chose, j'en reviens à dire, ça, c'est pour les gros noms. Alors, les moins connus, il va falloir qu'ils continuent à travailler fort, eux autres, à se trouver des sponsors, ça, c'est sûr. Mais pour Georges Saint-Pierre, c'est excellent. Oui, ben, nouvelle pour Georges qui, encore une fois, encaisse de belles manières et on a hâte de le revoir en action. Je pense, de ce que j'ai compris, ce serait pour mars ou avril. Ici, on parle d'avril, ben, j'ai l'impression que ça risquerait peut-être d'être à Montréal. On se le souhaite tous. Oui, et tu parles de mars à avril. Il y a aussi Patrick Côté qui avait dit sur son Facebook, il me semble c'est au début de la semaine, que lui aussi visait un retour vers cette date-là. Dans ma tête, moi, je me suis dit aussi, peut-être Montréal, ça pourrait être le fun. Alors, Patrick Côté qui semble, il a dit qu'il était en forme en plus. Alors, tant mieux, Ouais. on lui souhaite un bon retour. Et Seigneur, lui, ça fait depuis octobre quand même, je pense 2008, sa reconstruction, ben, pas sa blessure, une reconstruction du genou. On sait jamais comment un athlète revient après ce genre de blessure-là. En tout cas, on souhaite tout le bien pour Ouais. peut-être le meilleur Québécois après Georges Saint-Pierre. Évidemment, il faut mettre également Jonathan Goulet là-dedans. Puis ben, David Loiseau, un grand talent également. Ouais, regarde, je vais juste sortir un nom comme ça, là. Je sais que Patrick Côté disait qu'il voulait un gros challenge, mais moi je vais dire là un Chris Leben ou un genre de combattant de ce niveau-là pour commencer, pour que Patrick Côté puisse se remettre sur pied, là. Un combat revanche, parce qu'ils se sont affrontés déjà. Ouais, t'as Puis raison. Leben, je pense, l'avait emporté, mais c'est un combat très, très, très, très serré. Ouais. Puis honnêtement, oui, c'est pas une mauvaise idée, ça, Fred. C'est pensé. Puis je pense Leben également mettrait plus dans le Oups, quel? On a quelques petits problèmes. Attends 2 secondes. Oui, allô? Fred. Attends 2 secondes, là. On va faire une petite pause, les amis, puis on va revenir. On est de retour. Petit problème technique, mais si peu. Alors, Fred, on continue. On parlait de pas de côté. À Montréal, peut-être. Blessure au genou. Il est rétabli. Quand est-ce qu'on va le voir? Quand est-ce qu'on va le voir? Tu nous as parlé de Chris Leben. Ce serait intéressant. Oui, un bon combat, mais c'est ça surtout. Je veux un combattant de ce niveau-là. C'est le premier nom qui m'est venu en tête, Chris Leben. Il y a sûrement d'autres noms intéressants. Regarde, je te sors un exemple, là. Je sais qu'il n'est pas dans l'UFC, là, mais dans le genre de Scott Smith, là. Un gars avec des bonnes mains qui pourrait donner un bon spectacle, là, mais pas de trop haut niveau, parce que moi, je pense qu'après une grosse opération au genou, comme Patrick a subi, les réflexes seront pas là. Ils seront pas là à 100%, ça c'est officiel. Ça va lui Ben, prendre un combat ou deux même pour se remettre dans les réflexes. c'est drôle que tu parles de Scott Smith parce qu'ils se sont affrontés aussi. Ouais, je Et sais. c'était surprenant, le combat n'avait pas été très intéressant. Ça, pour moi, ça m'avait surpris parce que c'est quand même deux cogneurs. Smith aime échanger debout, mais ça n'avait pas donné vraiment des résultats escomptés. Regarde, moi je vais te donner ma vue personnelle sur la carrière de Patrick Côté. Moi, je pense que quand on l'a vu au début contre Tito Ortiz, il était remplaçant à dernière minute. J'ai oublié qui a remplacé. Mais Patrick Côté avait fait une très belle performance contre Tito Ortiz à sa première performance. Puis par après, on avait vu certaines de ses faiblesses, je pense, qui étaient peut-être au sol et aussi, il manquait peut-être un peu de forme physique. Mais dans les derniers combats, j'ai vu une amélioration, moi, personnellement. Où ce que je pense qu'il faut pas trop se fier à ces vieux combats. Je pense que le Patrick Côté qu'on a vu dans les 2, 3 derniers combats qu'il y a eu était un Patrick Côté différent que ses premiers combats dans l'UFC. Mais Oui, juste physiquement, là, il est beaucoup plus affûté. Là, contre Tito exactement. Ortiz, il était vraiment graisseux, là. C'était pas nécessairement élégant, mais là, maintenant, là, physique enviable. Ouais, on va rester dans les discussions de physique. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est ça. Patrick Côté a, je pense, pris sa carrière beaucoup plus au sérieux. Moi, genre, j'ai ce sentiment-là aussi quand je l'entends en entrevue. Il a l'air d'un gars qui est mature et tout. Il a l'air d'un gars sérieux. Pas qu'il l'était pas avant, mais je pense que tu sais, on est tous jeunes à un moment donné, on a toute notre vie à vivre. Et je pense que Patrick Côté a pris dans les dernières années une certaine maturité dans sa carrière. Et c'est un gars très sérieux, de toute façon, tout court. Alors, moi, j'aime beaucoup comment Patrick Côté se présente et il se dédie à sa carrière. il donne cette impression-là, en tout cas depuis une couple d'années, je trouve. Alors, je pense qu'on a droit à un Patrick Côté beaucoup amélioré à ce qu'il était avant, mais là, la blessure, elle me fait peur parce que moi, je suis d'opinion qu'une grosse blessure au genou, là, c'est une des pires que tu peux avoir. Ça a rapport avec les mouvements, ça a rapport avec les réflexes, ça a rapport avec tellement de choses. Et c'est une des pires blessures, je pense, les genoux. Oui, ben surtout la blessure qu'il y a eu, je l'ai eu, puis c'est toujours un petit blocage mental, surtout au début quand tu t'y remets, là. En tout cas, moi, ça a été comme ça pour moi, là, je sais pas. Lui, je pense que c'est l'une de ses forces, c'est son mental, là. Peut-être que ça l'affectera pas du tout, puis qu'il va revenir encore plus fort. On lui souhaite, ça c'est certain. Autre nouvelle maintenant, Fred, qui pourrait nous intéresser. Oui, ben on va parler un peu vite de Brock Lesnar. On avait parlé la semaine passée. Il semblerait que maintenant il y a une mononucléose. Je suis pas médecin exactement, mais je sais que une mononucléose, c'est pas que c'est sérieux, mais c'est que ça peut durer longtemps. Et alors, on n'a pas d'idée vraiment quand Brock Lesnar va pouvoir revenir maintenant. Et aussi une mononucléose, d'après ce que je peux comprendre, quelqu'un qui a ça peut perdre beaucoup de poids. Alors, ça va être intéressant de voir comment Brock Lesnar va revenir de tout ça. Alors, Brock Lesnar, il est blessé. Je sais pas si toi, t'as quelques commentaires sur Lesnar pis sa mono, là. Ben, je me pose une question. Admettons qu'il perd beaucoup de poids. Est-ce que son corps serait allongé et qu'il pourrait vraiment être agréable à la vue, Fred? J'allais te la poser la question. Non, mais je pense, regarde, moi, j'ai déjà connu quelqu'un qui a eu une mono et je me dis c'est une vraie maladie, ça c'est officiel. Et je sais pas, tu sais, il y a eu beaucoup de spéculations que Brock Lesnar, c'était quoi ses blessures. J'ai aussi lu des articles à l'effet que Brock Lesnar aurait peut-être est reconnu, tu sais, pour se délasser, si on veut, tu sais, de cette année de succès. Ce qui m'a un peu donné un goût amer, parce que je considère pas ce qu'il y a eu tellement, tu sais, oui, il y a eu du succès, là, mais là, faudrait pas qu'il s'enfle la tête à penser qu'il est l'ultime champion de MMA. Alors, je sais pas, là, va falloir suivre toute cette histoire-là, là, c'est sûr que c'est un peu bizarre. Surtout que Lesnar lui-même parle pas. Si Lesnar pourrait donner une entrevue, ça réglerait beaucoup de choses, mais on connaît Brock Lesnar, ça a pas l'air du gars le plus, social, pas social. Ouais, d'une manière, il est malade, il peut pas combattre. Pour moi, ça me satisfait. On va le revoir quand il va monter. Exactement. Dans la cage. Exactement. C'est malheureux, sauf parce que on avait tellement plein de beaux combats, là. Mais là, on va peut-être avoir un autre beau combat à l'UFC 108. On nous parle d'Antonio Rodrigo Nogueira contre Cain Velasquez. Alors, toi, je sais que t'es un grand amateur de Velasquez, puis je pense que t'aimes aussi beaucoup Nogueira. Alors, oui. Tu vas être déchiré. Oui, hey, c'est quand ça? C'est UFC 108, sûrement, le 2 janvier. J'ai hâte de voir si ça va se concrétiser, parce que déjà sous la carte, il y a deux autres poids lourds qui vont être là, dont Dos Santos, l'élève de Nogueira, qui va affronter Gonzaga. C'est deux autres poids lourds que j'ai, ben, plus Gonzaga que Dos Santos. Là. Dos Santos, je le connais pas tant que ça. Non, ce serait intéressant, là. Puis le UFC, ça ferait une belle carte de ce UFC 108-là. Je suis surpris de voir ça. Il me semble que d'habitude, le UFC organise un événement près de Noël. Il me semble que ça avait été le cas l'année passée. Et puis là, je vois, il y a un événement le 2 janvier. Puis l'événement qui précède le 2 janvier, c'est quand même en début décembre, le 12 décembre. Ouais, je pense que, ben, faudrait que je retourne parce que l'année passée, leur gros événement, c'était l'UFC 92, où est-ce que tu pensais que Forrest Griffin avait gagné? Ah oui, on va reparler de ça, mon garçon, tout à l'heure, là. Mais, tu vas me remettre ou pas? C'est ça, l'année passée, j'ai pas idée à quelle date c'était exactement, au mois de décembre, l'UFC 92, faudrait que je vérifie. Mais oui, l'UFC a toujours un gros spectacle en fin d'année. Peut-être que ça va être l'UFC 108, qui a pas de championnat, mais là, ça revient au fait que Dana White a les mains attachées avec beaucoup de champions qui sont inactifs. Brock Lesnar, il est inactif. Machida, inactif. Il y a juste BJ Penn, c'est simple, qui a un combat en ce moment. Georges Saint-Pierre, je sais pas si je l'avais mentionné la semaine passée, mais sur Yahoo Sports, il y avait une nouvelle il y a quelques jours que Georges Saint-Pierre serait sûrement juste pour le mois de mars-avril, comme tu as dit. C'est vrai, tu l'as mentionné tantôt. Alors, c'est ça, Dana White a un peu les mains attachées, ou ce que il va falloir qu'il jongle avec ses combattants pour nous offrir des beaux combats. Ouais, mais je pense qu'il y a les outils pour faire de quoi de bon. Puis le UFC 92, c'était le 27 décembre, Fred, le 27 décembre, c'était à Las Vegas, puis il y avait eu, quand même, c'était une carte très relevée, Evans face à Griffin, Nogueira face à Mir, Jackson face à Silva, il y avait un trio de combats là, assez intéressant. Puis, c'est ça, il me semble. Puis là, il y a quand même, cette année, il y a un trou, là, on dirait, à Noël. Il y a pas vraiment d'événement. Et Comme ça je me dis, je pense que choque. ça a rapport aussi avec beaucoup les blessures, où ce que Dana peut pas en ce moment mettre toutes ses cartes sur une même carte. Ouais, OK. Alors, hey, là-dessus, là, il faut qu'on tu nous parles. Monsieur Divertissement, il vous divertira. C'est le géniteur du pari virtuel et également maintenant d'un jeu questionnaire dont tu nous as parlé, je pense, depuis 2 semaines. Puis honnêtement, je disais pas grand-chose parce que ça me disait pas grand-chose son quiz. Je me disais à quoi ça sert. Fred, il est parti sur une autre aventure de fou, mais celle-là, j'étais moins convaincu que sur les autres. Honnêtement, le pari du virtuel, j'ai embarqué dans le bateau dès le départ. Puis là, j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Je trouve que c'est une idée absolument géniale. Puis ça, c'est bien fait. Et bon, je suis pas dans les manœuvres là. Ça me fait de la peine. Mais j'ai espoir maintenant que je vais pouvoir me relever dans les prochains combats. Et le quiz, écoutez, j'ai joué à ça hier, là, Fred, pour me mettre en appétit avant le Strike Force. J'ai eu beaucoup de plaisir, en fin de compte. C'est une excellente idée. Et je me suis bourré totalement parce que moi, je suis un très, très mauvais perdant. Et là, à un moment donné, j'ai une mauvaise réponse. Puis là, je me dis, non, c'est pas moi qui ai fait la faute. Je vérifie pas. Puis là, j'envoie ça à Fred. Je dis, ton jeu, c'est de la merde. Tu sais, tu croches, plein de fautes. Et là, Fred me remet au pas. Puis il me dit, toi qui es dans le champ, mon garçon. Puis, ben, c'est ça. J'étais complètement dans l'erreur, mais j'étais convaincu d'avoir raison. Mais honnêtement, je vous invite là, à aller jouer à ça, à cette cause-là. Fort agréable aussi. Franchement, là, monsieur divertissement, du bon travail du côté de MMANouvelle.com. Oui, puis vous allez voir, ça va être vraiment le fun parce que maintenant, là, j'ai juste à rajouter des sections de 10 questions et les amateurs aussi peuvent en soumettre. Je vais les vérifier, puis si le test, si c'est parfait, je vais le publier et vous allez avoir crédit pour le quiz que vous avez créé. Mais Alors, ils ne ça pourront peut pas être y bien le fun. participer, par contre. Ben, c'est parce que tout le monde peut Alors, participer à tous les quiz, mais vous apparaîtrez pas dans les meneurs. Les points ne compteront pas quand vous participez à votre propre quiz. Comme je dis, aussi, je vais rajouter, parce qu'en ce moment, pour le classement général, les points, c'est un total de tous les quiz, même si ça a écrit moyenne, parce que j'ai pas encore changé ça. Mais c'est ça, c'est un total. Alors, quand quelqu'un va créer un quiz, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais y rajouter sa moyenne de points. Comme ça, c'est comme s'il continuait avec la même moyenne pour ce quiz-là. Il sera pas désavantagé. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. oh, je pense que ça me prendrait un Tim Hortons, mais Ah ouais, non. t'as pas fini tes mathématiques. Voilà, je vais réécouter l'émission, Fred, pour mieux comprendre. Mais non, honnêtement, c'est bien fait, c'est simple, c'est facile, facile d'accès, puis du plaisir, facile pour vous. Pour y avoir accès, il faut cliquer sur le forum qui est toujours en haut de la page d'accueil de MMANouvelle.com. Puis là, il faut s'inscrire sur le forum. Et là, vous avez accès et au pari virtuel et au quiz également. Il y en a 4 pour l'instant lesquels vous pouvez participer et tenter de battre le meneur qui a comme prénom Roger. Alors, c'est pas un nom de gagnant, mais quand même. Qu'est-ce que vous voulez? C'est lui qui est en haut de la liste. Ouais, mais il va y avoir d'autres petits jeux aussi qui vont se rajouter. Puis là, je me lance là finalement là, dans le temps de la renommée. Cette semaine, j'ai eu des moments de fatigue. Alors, il faut se reposer dans la vie. On a un petit gars qui me dit, pas va te coucher, puis il faut que je l'écoute. Ouais, ben ça c'est bien fait. Puis quand même, il y a d'autres choses de plus importantes dans la vie que le MMA, pas grand-chose d'autre là, mais bon la famille quand même également et tout vient tout de suite ensuite le MMA. C'est presque fini pour ce bloc-là, Oui, mais avant, oui j'avais une avant. petite nouvelle, peut-être que je pense que pas que tu es un amateur, mais je pense que tu aimes bien regarder Stephen Struve se battre. Ça se pourrait qu'il remplace Todd Duffy, là, qui est blessé. Il pourra pas participer contre un de ceux que moi j'aime, Buentello. Et ça se pourrait que ce soit Stephen Struve ou Rusev, Mike Rusev, qui remplace Todd Duffy pour affronter Buentello à l'UFC 107. Ça serait drôle quand même. Tu vois, Buentello, c'est un physique d'un Mexicain qui mange des tacos. Là. C'est pas Orlovski ni Overeem. Là. C'est un physique un peu ingrat, mais quand même un bon combattant, une technique correcte. Un gars qui s'entraîne avec l'American Kickboxing Academy, c'est-à-dire Conley, John Fitch, Mike Swick, Josh Koscheck. Des gars qui se débrouillent debout. Il est pas mauvais quand même, Buentello. Stéphane Struve, un long piquet, tu vois, l'affaire. Il n'a pas l'air d'un athlète non plus. Ben, peut-être d'un joueur de volleyball, là, mais pas nécessairement d'un commentant de MMA. Ça va être drôle si on peut voir ces deux énergumènes-là dans la même cage. Oui, c'est un bon remplacement, disons. Là, Todd Duffy est un jeune que j'aurais bien aimé voir parce qu'il reçoit beaucoup, beaucoup d'attention. Et j'ai juste vu son dernier combat. Vraiment, peut-être j'ai vu les autres puis je m'en rappelle pas tout simplement, mais c'est ça, le dernier combat, j'avais bien aimé ce que je voyais parce que le gars est fait fort. Ça a duré 7 secondes. Ouais, mais c'est ça, mais le gars est fait fort surtout. On va continuer dans l'aspect des physiques là, mais la force physique chez les poids lourds là, il y en a qui ont le physique justement gras comme Buentello, et je pense que lui, Buentello, en affrontant un Struve, ça va être beaucoup plus facile pour lui, Struve. Je pense va avoir une dure soirée contre Buentello si c'est lui qui y va. Oui, oui, oui. Ah là là là là là là là. OK, Fred, The Ultimate Fighter, toi qui te dédies à la tâche et que tu écoutes ça de semaine après semaine. Et là, je me souviens pas si Marcus Jones, c'est-tu cette semaine, ça? Oui, Marcus Jones, cette semaine, combattait contre... J'ai oublié son nom. Malheureusement, j'ai un blanc de mémoire là-dessus. Je vais parler un peu plus de l'émission en général, où ce que j'ai bien aimé cette semaine quand même, ce que j'ai vu. Comme je te disais, moi, puis j'ai dit souvent sur le site mmanouvelle.com, je trouvais qu'on donne beaucoup d'attention à Marcus Jones. Alors, je m'attendais un peu à une victoire de lui, parce qu'il faut pas oublier que tout est pré-enregistré. Ah, ok, oui. C'est ça. Alors, tu sais, quand tu vois les annonces, quand tu vois que Marcus Jones est à ESPN, à MMA Live de ESPN à chaque semaine, tu te dis, il est pas là pour rien, là. Il doit avancer un petit peu. Jusque où il va se rendre, je le sais pas, parce qu'il a quand même fait un beau combat, mais j'ai l'impression des fois, là, regarde, je veux pas dire que c'est truqué ou quoi que ce soit, là, mais des fois, c'est ça, peut-être que les match-ups sont faits pour favoriser, tu sais, certains aspects. Là. OK, OK. Pas que c'est truqué, mais tu sais, ils vont mettre un gars avec certaines aptitudes pour favoriser ça. Alors, faut pas trop s'emporter. Marcus Jones a eu une belle victoire. Et il embarque, la semaine prochaine, il embarque dans la séquence où ce que c'est les éliminations, finalement. Il y a les 8 derniers. Et là, je pense que c'est vraiment où ce que ça va commencer à être plus intéressant. On va voir des bons combattants. La plupart des pommes pourrites, c'est pas le bon mot, là, mais des jambons sans talent sont partis. On va voir la semaine prochaine, ça va être Justin Wren contre Roy Nelson. Ça devrait être très intéressant, je pense. Justin Wren est un des jeunes qui a du bon talent, il a une bonne lutte et tout. Et il affronte Roy Nelson, qui est un vétéran avec beaucoup de combats. Je pense que Justin Wren est peut-être un peu petit, sauf il mesure, je pense, 5 pieds 11. Et il me semble qu'il aurait peut-être plus le physique d'un 205 livres. Alors, on va voir comment que ça va aller mercredi prochain. Moi, je prédis une victoire de Roy Nelson, mais je te dirais que Justin Wren, c'est un excellent combattant qui pourrait peut-être amener l'action au sol puis contrôler, justement. S'il réussit à mettre Nelson sur son dos, ça pourrait être long pour Roy Nelson. Ah, Fred... Tu me sembles bien perspicace, puis je le vois parce que je suis moi-même très perspicace. Parce que, un peu comme toi, là, tu semblais déjà reconnaître que Jones allait l'emporter, étant donné le scénario qui s'était stressé là, au fil des semaines dans The Ultimate Fighter. Moi aussi, quand j'ai vu Titanic, là, j'étais convaincu que le bateau allait malheureusement être immergé dans l'eau dès le début du film. Alors, perspicace contre perspicace, là, qui tu penses va remporter The Ultimate Fighter, ou peut-être qui vont être en finale? Parce que là, il faudrait que je reprenne les match-ups. Là, je vais te dire les noms que j'aime toujours. Parce que je me rappelle plus qui affronte qui encore. Mais je vais te dire que je suis toujours amateur de Roy Nelson et de Justin Wren. C'est deux gars que j'aime depuis le début. Alors, le gagnant de ce combat-là qu'on va voir mercredi, d'après moi, pourrait se rendre loin. Et je vais te dire, moi, j'aime Brendan Schaub, qui est un ancien de la NFL, qui s'entraîne avec Rashad Evans chez Greg Jackson. Et parmi les anciens gars de la NFL, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui. Dans les premières semaines, il y avait eu un combat, j'ai oublié contre qui, mais ça avait été un bon combat technique. Et j'aime aussi Marcus Jones, finalement. Marcus Jones est pas mauvais. Je pense qu'il a besoin de raffinement et tout. Et je pense que tout court, il n'y a pas de champion dans cette QV-là. Le gagnant qui va sortir de là, il va peut-être avoir des bons combats dans l'UFC, on va voir, là, mais je ne le vois pas pouvoir compétitionner, que ce soit avec les Velasquez, Chuck Congo ou quoi que ce soit. Je pense que le gagnant qui va sortir va être d'un niveau un petit peu plus bas. Mais si c'est un gars, justement, comme un Brendan Schaub ou un Marcus Jones, ça pourrait être intéressant parce que ça va attirer de l'attention avec, vu que c'est un ancien gars de la NFL, voir sa progression. Puis je commence à penser que les deux ont peut-être le talent pour réussir. Ah, ben, j'ai bien hâte de voir ça. Ce sera le 5 décembre qu'aura lieu cet événement-là, là, la finale des Ultimate Fighter. Honnêtement, moi, j'ai hâte que ça se termine cette saison-là. Il me semble qu'elle n'est pas si intéressante que ça. Une chance que Kimbo était là, parce que sinon, il me semble que ça aurait été un peu de plate. Mais cette carte-là s'annonce intéressante, celle du 5 décembre, la finale des Ultimate Fighter. Matt Hamill face à John Jones. Moi, j'ai hâte de voir ce combat-là. Ça va être un bon test pour John Jones. Puis en plus, c'est le retour de Dennis Allman qui va être là. 170 livres, tu sais, un gars technique qui a soumis à deux reprises Matthews en moins de 2 minutes, là, assez facilement. Puis également, il y a un combat, je pense que c'est encore une rumeur, là, mais presque confirmée, ou en tout cas, on verra bien. Kimbo face à Houston Alexander, un combat coup pour coup. Oui, c'est. Tu vois, moi, je suis pas un grand amateur de Kimbo. Comme je dis, j'ai pris du respect pour lui, pour comment qu'il agit. Il se présente très bien et j'y donne beaucoup de respect pour ça. Mais d'un point de vue aptitude dans cash, j'ai pas plus d'intérêt que ça à voir. Et je te dirais honnêtement, je sais pas. À première idée, là, je tente à penser qu'Alexander pourrait gagner ce combat-là. Même si Kimbo m'a montré des belles choses dans son combat contre Roy Nelson. C'est juste, c'est pas assez pour me convaincre, je dirais tout de suite là. Ah, que du bonheur. Fred, autre chose ou je dirais moi qu'on est bon peut-être pour une autre petite gorgée bon, de café dans ton cas. Et moi, ce serait plutôt un petit jus d'orange mégapulpe. Oui, une belle petite pause puis allez jouer à nos jeux comme on vous parlait tantôt. Oui, soyez de retour parce qu'après ça, encore une fois, là, ce sera le temps, là, on vous fait languir depuis quelques temps, mais là, ce sera le UFC 105 et le retour de Captain America, Randy Couture. Alors, à tout de suite. Oh, la Voix des guerriers, toujours là pour vous accompagner en ce dimanche, mais peut-être que vous nous écoutez le lundi, le mardi, le mercredi. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez, ça, c'est-tu merveilleux? La magie technologique fait en sorte que vous pouvez l'écouter n'importe où, dans votre voiture, sous la douche, au travail, au bureau, en faisant du jogging, en vous promenant vos chiens, ou peut-être en vous faisant piquer. Oui, Fred, l'homme nouvelle, comparse, partenaire. On va parler du UFC 105 avec Randy Couture face à Brandon Vera, un événement qui se déroule en Angleterre. Oui, mesdames et messieurs, et c'est une carte, honnêtement, très ordinaire. Honnêtement, là, si on la compare avec l'événement de Strike Force qui vient de passer, oh, je pense que Strike Force pour la carte principale, facilement plus intéressante. Mais quand même, on vous en parle. Commençons avec le combat principal entre Randy Couture face à Brandon Vera. Couture, une fiche, bon, 16-10, on dit ça n'a pas l'air vraiment une bonne fiche d'un combattant, mais pourtant, quand même, ce sont à peu près que des combats très importants qu'il a livrés. Alors, Couture, tant qu'à moi, c'est un des combattants les plus... c'est l'un de James que j'affectionne le plus particulièrement en MMA. Il a une belle tête également. 46 ans, semble être un bon gars, un bon technicien, puis a su se réinventer au cours des ans. C'est pas le gars, je pense, le plus talentueux, mais quand même un bon combattant, et qui normalement pèse autour de 220 livres. Et là, il fera une petite coupure, monsieur, pour descendre à 205 livres, pour être fin prêt pour affronter Brandon Vera, qui mesure 6 pieds 2, il a 32 ans, il fiche 11 victoires, 3 défaites. Lui avait débuté sa carrière là, de belle façon avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires consécutives. Après ça, il avait subi quelques défaites, malheureusement, Brandon Vera, face à Tim Sylvia, face à Fabricio Werdum et face à Keith Jardine. Mais là, ces deux derniers combats les plus récents, il les a remportés face à Michael Pat. Très connu, Michael Pat. Non, pas connu du tout. Il l'avait défait grâce à des coups de pied dans les jambes. Et Michael Pat n'avait pas réussi à se relever et il avait mal au Pat. Et Krzysztof Soszynski, ça, c'est son plus récent combat face au Polonais, mélange canadien également, je pense, Soszynski, mais de nationalité ou d'origine polonaise. En tous les cas, Vera l'avait emporté. Décision unanime, mais un combat quand même chaudement disputé. Soszynski s'entraîne avec la Team Quest, ancienne équipe de Randy Couture. Soszynski, une de ses forces, c'est sa lutte pour amener ses adversaires au sol, mais n'avait jamais parvenu à réussir ça face à Brandon Vera. Mais devinez quoi? Je pense que l'ami Randy Couture, lui, il va le faire, puis Brandon Vera va en prendre plein la patate. Mais on veut savoir l'avis de M. l'Homme Nouvelle, Fred. Ouais, ben... Regarde, moi, je suis pas un grand amateur de Brandon Vera. Je vais dire ça tout de suite. Parce que le gars a beaucoup de talent, ça. Il y a pas de doute, là, mais j'aime pas beaucoup comment il s'est présenté. Il m'a semblé beaucoup arrogant dans ses premiers combats contre des inconnus, comme tu dis. Et c'est ça, la plupart de ses victoires, il n'y en a pas aucune qui me vient en tête où c'était vraiment, vraiment très... Ben, il y a eu des victoires impressionnantes, mais c'était contre des gars peu connus. Et quand on l'a mis contre des plus gros challenges, il n'a pas répondu. Alors, c'est plus ça, moi, je vais être intéressé à voir avec Brandon Vera, parce que je pense que l'UFC lui a quasiment donné une seconde chance à lui, qu'elle l'aurait pas donné peut-être à tout le monde. Vera, comme je dis, est arrivé avec beaucoup, beaucoup d'attention. On lui donnait beaucoup d'attention. Et il a pas répondu de bonne heure. Il a pas performé de bonne heure. Puis on lui a donné une seconde chance contre des opposants inconnus. Et il a réussi à gagner ces combats-là. Mais là, on le met contre Randy Couture. Alors, Brandon Vera, j'espère qu'il va bien sortir. S'il gagne pas, faut qu'il donne quand même une bonne performance. Parce que sinon, pour moi, personnellement, il reprend une autre descente. Il n'y a pas beaucoup remonté à mes yeux, de toute façon, avec les derniers combats qu'il y a eu. Oh! Mais Randy Couture, là, est maintes fois champion. Lui, je pense que tu l'aimes particulièrement, Fred. Hein, c'est ton combattant favori. Ben non, c'est pas mon favori, mais j'ai extrêmement beaucoup de respect pour Randy Couture, que ce soit le combattant ou que ça soit l'homme, il se présente toujours bien. J'aime les entrevues, j'aime écouter moi les entrevues des combattants, comment ils parlent et voir si on entend quelqu'un honnête. Moi, je veux pas entendre quelqu'un qui me dit ce que je veux entendre, tu sais, ou quelqu'un qui est là juste pour dire le spectacle. Ouais, sans ça, tu vas écouter Yves Bolduc, ministre de la Santé québécoise, hein? Tu vas entendre quelqu'un dire n'importe quoi, puis bullshitter. Ouais, Mais là, on veut pas être politicien. puis en passant, avant de signer votre décharge pour votre vaccin, j'espère que vous avez lu les effets secondaires. Ma gang de victimes! Mais c'est ça, dit Randy Couture là. Moi, je veux te dire un aspect que j'aime de Randy Couture. Je pense que Randy Couture sait comment couper les distances, comment se placer. Et contre un gars, un striker contre Vera, j'ai hâte de voir comment Randy Couture va jouer ça. Parce que Vera est un excellent striker quand même avec son Muay Thai. Et ça va être intéressant de voir si Randy va pouvoir trouver les bons angles pour atteindre Vera, qui a le style de corps que j'aime bien, allongé, mais j'aime pas Brandon Vera, alors ça va pas bien. Ouais, c'est comme certaines filles, des beaux corps, mais ils ne s'en servent pas bien. C'est un peu ça, Brandon Vera, si je comprends bien. Oh oui! Alors, Randy Couture, est-ce qu'on se prononce tout de suite? Moi, j'y vais. Randy Couture va remporter ce combat-là. Alors, le vieillard, 46 ans, tout près de pouvoir être admis au club de l'âge d'or, va défaire de 14 ans son cadet, Brandon Vera. Parce que Randy Couture est un lutteur de haut calibre. Et lorsqu'il va atteindre les petites pattes à Brandon Vera, il va te le renverser le cul au sol. Et par la suite, ben, ce sera un spectacle Randy Couture qui va revenir sur le sentier des victoires après deux défaites contre deux gros gars comme Brock Lesnar et Antonio Rodrigo Nogueira. Et ce sera la 17e victoire de Randy, le naturel Couture. Oui, moi aussi, je vais pencher vers Randy Couture. Je voudrais te poser peut-être une question en finissant sur ce combat-là. Toi, tu es souvent comme plus connaisseur, je dirais, si on veut, des backgrounds des gars. Et on nous dit souvent que Brandon Vera a un excellent jiu-jitsu. Est-ce que tu es de cet avis-là ou tu n'as pas vraiment d'avis? Moi, je sais pas, honnêtement. Je sais parce qu'il a soumis à un moment donné à Suerio Silva par guillotine. C'est sa seule victoire par soumission en plus, Brandon Vera. On l'a pas vu à l'œuvre tant que ça au sol, honnêtement. Je suis pas convaincu que, d'après moi, il y a un niveau correct en MMA, le niveau qu'un combattant qui se respecte doit au moins avoir pour être parmi les meilleurs combattants, mais je pense pas qu'il peut être dangereux contre Couture. Couture vient de se sortir d'un 15 minutes face à peut-être le meilleur poids lourd en soumission qui est Nogueira au sol, là. Nogueira, puis même Nogueira lui a tenté quelques tentatives de soumission qui sont presque avérées concluantes contre Couture. Couture s'en est sorti à chaque occasion. Si Vera réussit une victoire par soumission contre Randy Couture, eh bien là, écoutez, je serai bouche bée pour le reste de ma vie. Oui, ben là, tu viens de me convaincre, je vais aller changer les cotes sur le combat Vera Couture, là. Vous êtes mieux d'aller vite mettre de l'argent sur Couture parce que sa cote va descendre assez vite, là. Ken vient de me le vendre. Oh! Il faut pas me faire confiance, je me trompe tout le temps, moi. Mais c'est pas grave, hein? OK, Mike Swick face à Dan Hardy. On a peut-être là le prochain adversaire pour Georges Saint-Pierre. Swick a 30 ans, il s'entraîne avec l'American Kickboxing Academy. Dan Hardy, lui, c'est un Anglais, un pratiquant de taekwondo dans le passé. C'est sa principale force, apparemment. Il a 27 ans, 22 victoires, 6 défaites. Et Mike Swick, lui, c'est 14 et 2. Swick a combattu dans les 185 livres assez longtemps. D'ailleurs, il a battu quelques Québécois à 185 livres. On n'a qu'à penser à Steve Vigneault, David Loiseau. Et par la suite, a perdu face à Yoshi Nakami à 185 livres. Puis là, il s'est dit, eh ben, il va falloir que je descende à 170 livres si je veux être parmi l'élite. Il l'a fait et il a vaincu de manière successive Josh Barkman, Marcus Davis, Jonathan Goulet en 33 secondes et tout dernièrement Ben Saunders. Est-ce que Darren Hardy sera sa prochaine victime, Fred? Oui, moi je vais y aller avec Mike Swick dans ce combat-là. J'aime beaucoup Mike Swick, ses mains toutes. Et je le mentionne souvent, je pense que la grosseur d'un gars, ça a de l'importance. Alors le fait qu'il a descendu de 185 à 170, Physiquement, il n'a pas beaucoup changé. C'est surtout dans la coupure de poids que ça affecte. Alors, le soir du combat, il va être plus gros, je pense, que Hardy. Et il est plus grand déjà. J'aime sa longue portée et tout. Il a des mains rapides. Alors, moi aussi, je vois Mike Swick sortir. Mais étant donné, je connais pas assez Dan Hardy. J'ai vu ses derniers combats là, qu'on nous a présentés. Mais avant ça, j'ai pas idée vraiment. Faudrait que je retourne voir ses combats pour me faire une meilleure opinion de lui. C'est un bon combattant aussi contre Marcus Davis. Il avait fait. C'était contre Marcus Davis, Dan Oui, Hardy? oui, Ouais, oui. c'est ça. Il avait fait une très belle performance contre Marcus Davis, je me rappelle. Alors, Dan Hardy est un bon combattant, puis en plus, il va être devant la foule, qui devrait l'encourager à n'en plus finir. Alors, ça devrait l'aider, ça aussi, mais j'aime bien, comme je dis, j'aime mieux les aptitudes de Mike Swick. Si tu me demandes qui est le meilleur combattant entre les deux, je dirais Mike Swick. Moi aussi, je prends Mike Swick parce que je pense que Swick est peut-être plus complet. J'ai l'impression que encore Swick est plus fort physiquement, mais c'est une impression, là. On va le savoir la semaine prochaine, là, voir comment ça va se dérouler. Mais je pense que Swick pourrait amener Hardy au sol et que je pense pas qu'Hardy pourrait faire ça. Je pense pas qu'il y aurait avantage à le faire non plus. Debout, Swick, oui, il est rapide, il frappe avec la vitesse de l'éclair, un bon style, des bonnes mains, des bonnes jambes également. Comme tu l'as dit, les deux ont affronté Marcus Davis. Swick l'avait remporté par décision unanime, mais pas si facilement que ça, par exemple. Et Dan Hardy, ben lui, il a remporté son combat par décision partagée. Là, c'est Darvis s'avère un critère, là, une espèce pour mesurer un peu le talent des deux. Je pense que les deux sont bons debout. Hardy, même si c'est un pratiquant de taekwondo, j'ai trouvé également qu'il avait des bonnes mains lorsqu'il a battu Rory Markham par KO. Oui, Markham, le combat d'avant, c'est je en me train de. rappelle, ouais, Ouais. c'était un bon combat, ça Markham, aussi. c'est un boxeur, je pense. Il avait un passé de boxeur, Markham, puis il s'est en train d'être Pat Miletic. Il était censé avoir des bonnes mains, mais Hardy l'avait surpris. Puis moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est Hardy, les mains, tu sais, il frappe de manière détendue. On voit des gars comme Diego Sanchez, puis beaucoup de lutteurs. Eux, ils frappent lourd, puis vraiment, si ça te touche, ça se peut que tu te réveilles pas. Mais Hardy, un peu comme Nick Diaz puis d'autres combattants, c'est qu'ils frappent en répétition, tout en détente, puis il y a rien qui urge, mais quand qu'il vous frappe, il pince, puis à un moment donné, ils peuvent mettre tout dedans, puis là, il fait pas juste vous pincer, il vous fait très mal. D'ailleurs, il y a 11 victoires par TKO dans Hardy. C'est un bon combattant. Ça risque d'être un très bon combat debout. Moi, le dernier combat de Mike Swick m'avait un peu déçu. Je pensais que ce serait une belle guerre debout entre Swick et Ben Saunders, mais en fin de compte, Saunders était vraiment pas de taille debout. Et là, je pense que Hardy va être de taille à rivaliser debout avec Swick. C'est un combat que je pense qu'il risque d'être intéressant, mais par contre, dans les deux cas, là, George, il va les bouffer, là, les deux, là, il n'y a pas de doute dans mon esprit. George, même si Swick a battu déjà trois Québécois, Goulet, Loiseau, Vigneault, je pense que l'ami Georges pourrait faire ce qu'il veut avec Mike Swick. Est-ce que Hardy peut utiliser ses pics comme arme dans le combat? Oh, je sais pas. Effectivement, petite chevelure colorée, amusante, Hardy, puis c'est un gars qui a l'air sympathique, son entrée, toute l'affaire. Un gars enthousiaste, charismatique. C'est un beau combattant également. C'est plutôt nouveau, pas nouveau dans l'UFC, ça fait depuis 2008, mais le UFC, depuis qu'ils ont réattaqué le marché anglais, ils sont allés chercher quelques combattants anglais. Pour une bonne partie, il me semble, sont plutôt drabes, mais Dan Hardy, c'est l'un des Anglais, il me semble, qui est intéressant à voir combattre. Oui, ben, c'est une question de marché, comme tu as dit. Alors, ils ont pas le choix. Quand ils sont venus à Montréal, le premier coup, on avait Jonathan Goulet. Et c'était un peu moins pire parce qu'à Montréal, on est à côté des États-Unis. Alors, il y a moins cet aspect-là. Mais justement, si on se rappelle aussi le gala en Europe, à la dernière minute, ils avaient rajouté Mirko Crocop pour ajouter un peu d'intérêt pour les amateurs de ce coin-là. Oui, excuse-moi, je t'ai perdu une petite seconde. Fred, Oui, je parlais de. Je te disais que tu m'as perdu, excuse, tu m'as perdu, tu Ouais. t'entendais plus? Ouais, c'est ça. Ah ouais, Excuse-moi, bon, ben on c'est va. mon erreur. Ah, pas de problème. Ben, comme je disais, à l'UFC 99 en Allemagne, on avait rajouté à la dernière minute Mirko Krokop, tu sais, qui a beaucoup d'amateurs en Europe pour ajouter de l'intérêt. Alors, c'est un peu similaire, si on veut, en Angleterre, où ce qu'ils vont mettre des stars locales pour ajouter, pas de l'intérêt, mais c'est parce que aussi il y a tous les déplacements. Il y a beaucoup de combattants d'Amérique qui veulent pas vraiment aller se combattre en Europe ou qui aiment pas ça à cause du décalage horaire et tout. Alors, on remplit la carte avec des gars du coin. Oui, c'est bien normal. Et en parlant de gars du coin, il y a Michael The Count Bisping qui fera un retour depuis que Dan Anderson l'a expédié au sol. Puis ensuite, s'en était suivi une descente là, du coude à la Randy Macho Man Savage. Victoire impressionnante de Dan Anderson à ce moment-là. Alors, c'était sa deuxième défaite, Bisping. Comment il va se relever de cette défaite-là cuisante et violente face au Canadien, Coréen, Français, une espèce de mélange de toutes les nations. Et on parle de Dennis Kang, qui s'entraîne avec l'American Top Team, et également Firas Zabi au Tristar, ici, là, à Montréal, avec les Georges Saint-Pierre, David Loiseau, Thierry Kenville, Stéphane Vigneault, Steve Claveau à l'occasion. Tant de combattants d'ici et d'ailleurs qui profitent des installations du Tristar. Dennis Kang est l'un de ceux-là, également avec l'American Top Team, alors des camps très renommés, très respectés, à laquelle Dennis Kang s'entraîne. Du côté de Michael The Count Bisping, c'est l'Académie Wallace Flair, dont, Fred, tu nous en avais parlé, tu avais peut-être des doutes, parce que, bon, tu as vu Quinton Jackson, puis un peu comment il procédait, puis ça semblait louche à pour toi, en tous les cas. Qu'est-ce que tu penses de ce duel-là? Kang, Bisping, bien que Kang, bon, ce sera seulement la troisième fois qu'on va le faire pour le UFC. On l'a vu, ben, moi, je l'ai peu vu, honnêtement, là, même s'ils ont combattu dans des organisations intéressantes japonaises, j'ai pas vu vraiment de combat de Dennis Kang. Je le connais pas particulièrement. De ce que je sais de lui, c'est que c'est un gars, en entraînement, là, apparemment très, très intense, là. Je pense que c'est Jonathan Goulet qui nous avait dit ça. Que Dennis Kang est toujours très, très intense. Et c'est un gars aussi qui est polyvalent, qui fait à peu près de tout. Pas nécessairement doué de manière incroyable dans une des phases de combat, mais un gars polyvalent. Ouais, ben, il y a plusieurs aspects à ce combat-là. Je vais commencer par dire que Michael Bisping, tu vois, moi, je parle souvent là, de comment les gars se présentent, puis lui, il va me donner un goût amer souvent. On retrouve une arrogance. Et justement, l'année passée aussi, dans les séquences de l'Ultimate Fighter, je ne l'avais pas beaucoup écouté, mais quand j'avais vu les promos pour le combat contre Anderson, on pouvait voir que Anderson aimait pas beaucoup Michael Bisping. Et c'est ça, il y a une certaine arrogance qui m'énerve. Alors on va voir. Moi, en tant qu'amateur, je vais prendre pour Dennis Kang, qui lui, complètement le contraire, semble se présenter comme un gars sérieux. Et comme tu dis, c'est un gars qui est polyvalent, qui est bon au sol, bon debout. Moi non plus, j'ai pas regardé tous ses combats au Japon. J'ai regardé récemment celui contre Musashi quand il a perdu, parce que je regardais les combats de Musashi. Et je me rappelle de ceux dans l'UFC. J'aime bien Dennis Kang. La seule chose, il est peut-être, je sais pas, je vais émettre une opinion, il est peut-être un peu petit comparé de Oui. Michael Bisping, j'ai peur, parce que Bisping est gras peut-être, mais il me semble un peu plus pesant et fort. Alors, on va voir si le combat est debout ou au sol, mais tu vois, au sol, Bisping n'a pas non plus des super, super qualités. Alors, je pense pas que Kang serait trop défavorisé. Moi, je pense que Dennis Kang devrait sortir gagnant de ce combat-là. Et en tant qu'amateur aussi, je prends pour lui. Oh, ben là, tu me renverses. As-tu dit que Bisping était gras? Ben, pas gras, mais c'est pas non plus fait super fort, là. Je sais pas. Moi, regarde, je suis pas un amateur de Michael Bisping. Je l'admets tout de suite. Quand il fait 6 pieds 2, Bisping, il a un physique quand même correct. Dennis Kang, il a 5 pieds 11. Effectivement, petit un peu pour les 185 livres. Petit C'est et ça. maigre aussi, je trouve, Dennis Kang. J'en reviens à ça, t'sais, ils font tout le poids à 185, mais le lendemain, il y en a qui vont peser 200 à ce poids-là. Un Anderson Silva va peser à peu près 200, 205 livres quasiment le soir du combat. Alors, c'est pour ça que je regarde souvent la grosseur entre les deux. Oui, non, c'est important, ça, surtout lorsque c'est des combattants relativement de même niveau. Évidemment, à un moment donné, le poids peut faire une différence, mais est-ce que Kang va remporter ce combat-là? Et ça, c'est quelque chose. Je pense qu'on peut parier, hein? Oui, les codes sont déjà là pour l'UFC 104 en passant et bientôt je vais rajouter l'autre gala après ça, là, le WEC. Mais tu vois, moi, Bisping aussi, j'en reviens à dire que il n'y a pas eu de. Quelle victoire tu peux te fier ou est-ce que c'était un opposant de qualité aussi? Parce que toutes ces victoires, c'est contre du monde qui sont vraiment de bon niveau, je pense. Et Ouais, même Matt Hamill, il l'avait pas gagné ce combat-là, alors non, tu et sais. t'avais, je suis tellement d'accord avec toi, c'est un vol, ça c'est un vrai vol, un pur vol. Hamill l'avait remporté ce combat-là, mais c'était en Angleterre, alors bon, un vol, je vous dis, c'est un gros vol. T'es-tu en train de dire que les juges ils étaient en train de chanter Bon Dieu sauve la reine? Non, je suis en train de dire que c'est un complot, puis c'est Dana White. Non, non, mais honnêtement, c'est un... D'après moi, Hamill l'avait remporté ce combat-là. Mais bon, c'était assez serré, là, mais Hamill l'avait l'emporté. Pour moi, il n'y avait pas de doute là-dessus. C'est Puis ça. après ça, Ces face à autres Rachad. opposants, ça fait un peu dur. Face à Rashad, c'était serré aussi, C'est vrai, hein? Attention. mais tu vois, Rashad s'est beaucoup amélioré et je ne sais pas. Moi, j'ai pas de problème à admettre qu'il y a aussi l'aspect arrogance que j'aime pas chez Bisping, que je souhaite toujours qu'il y en ait un qui le remette à sa place et je souhaite que ça soit Dennis Kang le prochain. Oui. Et moi, je pense que ce sera ma. C'est une prod. Ça, c'est le genre de prédiction signée Gisèle, ça. Alors, je vais consulter ma voyante cette semaine. C'est difficile. Je sais pas comment Bisping va revenir de son chaos que Anderson lui avait infligé. Non, ça, j'ai besoin d'y penser. Oui, puis Alors. peut-être juste dire, si jamais par pur miracle, Cheick Kongo nous écoute, je le supplierai de ne pas traduire ce que je viens de dire. Oui, c'est vrai, parce que, ah oui, c'est vrai, ils s'entraînent ensemble pour l'Académie Wallace Flair avec Quinton Jackson qui fera un retour incessamment, je pense. Bon, on poursuit avec le reste de la carte. Je pense que je peux faire ça vite, hein, mais en tout cas, Fred, tu interviens à tout moment si tu veux glisser quelque chose. D'accord? Ouais, ben, je pense que ça va être bon. Tu peux y aller. 170 livres, il y a James Will. C'est un Anglais, évidemment, de la place. Il a 31 ans, 6 victoires et 2 défaites. Il a soumis à son dernier combat de Marquez Johnson pour devenir le champion The Ultimate Fighter 9. Alors, c'est lui qui avait remporté l'édition de la 9e édition de la série The Ultimate Fighter. Matt Brown, c'est son adversaire, un Américain de 28 ans qui s'entraîne avec George Gargel. Il a 10 victoires et 7 défaites. Il vient de battre Pete Sell dans son dernier combat par TKO. De mémoire, c'est un combat arbitré par le Québécois Yves Lavigne. Lavigne, honnêtement, c'est évidemment un gars que j'apprécie particulièrement, mais dans ce combat-là, il l'avait échappé un peu. À 155 livres, Ross Pearson, c'est un Anglais de 25 ans, une ceinture noire en taekwondo et une ceinture noire en judo. Il a 9 victoires pour 3 défaites. Il affronte le très expérimenté Aaron Riley, qui s'entraîne désormais avec l'équipe de Greg Jackson au Nouveau-Mexique. 28 ans seulement pour Aaron Riley, mais déjà 28 victoires, 11 défaites et un combat nul. Et pour ceux qui suivent l'actualité du MMA sur la scène québécoise, il avait disputé une bagarre là, pour le It's MMA face à Steve Claveau en 2008 et il avait battu Claveau, le Québécois, par décision. Par la suite de ça, il y a Terry Tim, un Anglais également. Il a 24 ans, 13 victoires contre 2 défaites. Il a été défait dans le UFC par Gleison Tibau et Rich Clementi. Et il avait battu en 2008 le Canadien Sam Stout. Et bien, Terry Tim va affronter Shannon Gogarty, un Américain de 27 ans qui a 12 victoires pour 3 défaites et 9 de ses 12 victoires grâce à des soumissions. Et on se transporte maintenant dans la catégorie des 170 livres alors que Paul Taylor, un Anglais. Je pense que Paul Taylor et Paul Kelly sont toujours des événements qui se déroulent en anglais. Alors, Paul Taylor, lui, 10 victoires, 4 défaites, un combat nul, il est un no contest. Il a 3 victoires et 3 défaites dans le UFC. Sa spécialité, c'est le kickboxing et il va tenter de kickboxer John Hathaway, qui est un Anglais également et qui était invaincu puisqu'il a 11 victoires et aucune défaite. Il nous reste 3-4 derniers combats à discuter, dont dans la catégorie des 170 livres, Nick Ozzie Tzak. Quelque chose comme ça. Il a 24 ans, c'est un Anglais, 6 pieds et 2, et sa spécialité, le Shaolin Kung Fu. Oh, 4 victoires, aucune défaite, à grand coup de pied qu'il va distribuer. Il a 3 de ses 4 victoires par étranglement arrière au premier engagement. C'est quand même étrange, un pratiquant de Sanchu et de Kung Fu qui a 3 de ses 4 victoires par étranglement arrière. Bien, il va affronter Matt Riddle, 23 ans, qui mesure 6 pieds et 1. C'est un Américain, lui. Il a livré tous ses combats dans le UFC. Alors, tous ses combats professionnels ont eu lieu dans le UFC. Il a 3 victoires, aucune défaite jusqu'à maintenant. Mais toutes ces victoires par décision. Je vous parlais de Paul et Paul tout à l'heure. Eh bien, c'est l'autre Paul, Paul Kelly, celui-là, toujours dans les 155 livres. C'est un Anglais de 25 ans. Il s'entraîne avec M. Bisping, justement, à l'Académie Wallace Flair. C'est un lutteur, surtout. Il a 9 victoires et une défaite. Sa défaite, c'était face à Marcus Davis, suite à une guillotine. Et là, il va affronter un Allemand du nom de Dennis Severn. Il a 30 ans. Et sa spécialité, on dit également, c'est le kickboxing. Il a 14 victoires contre 6 défaites. Et là, je continue avec un Suédois. Et là, on est vraiment là, à la fin de la carte. On commence à parler de Suédois. 6 victoires, 5 défaites, 8, non, 6 pieds, 5 pouces plutôt. Oh, 8 victoires contre aucune défaite. Ce sera son premier événement dans le UFC. Il n'a seulement que 22 ans. Il va affronter Jared Amman, un Américain. Il a 10 victoires contre une défaite. 8 de ses 10 victoires par TKO. Et sa seule défaite, c'était face à un gars qui s'appelle Suganuma. Et il avait vengé cette défaite-là. Alors, Jared Naaman, qui n'est pas invaincu, mais il a quand même a vaincu tous les adversaires qu'il a affrontés, bien que l'un d'eux l'avait déjà défait, mais il a vengé cette défaite-là. Et finalement, on est dans la catégorie des 155 livres pour le début de la carte. C'est André Wenner, un Anglais, à 9 victoires, 3 défaites, qui affronte Rolando Delgado, un Américain, avec une fiche de 6 victoires contre 4 défaites. Alors, peut-être que pour les Français qui nous écoutent, c'est une carte qui est peut-être assez intéressante. Vous les connaissez peut-être plus que nous, moi, à cause de la proximité, je ne sais pas. Mais pour nous, là, c'est une carte correcte, mais sans plus. À part les 3 premiers combats, le reste de la carte, là, il me semble que ça manque un peu de profondeur. Oui, non, t'as raison, excuse, j'étais en train de lire un texte en même temps. Et t'as raison que ça manque un peu de profondeur, l'UFC 105, mais ça revient à ce que je t'ai dit. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent pas aller en Europe combattre le décalage horaire, le voyagement. M'a donné juste BJ Penn avait battu, je pense, Joe Stevenson en Angleterre. Et il s'était plaint par après aussi parce que justement. Quand l'UFC va en Angleterre, souvent ça va être sur Spike TV, ce qui fait qu'ils n'ont pas de pourcentage de pay-per-view sûrement qui rentre. Et quand c'est sur pay-per-view, mais souvent c'est pas en direct aux États-Unis, ou même s'ils le présentent en direct dans l'après-midi, ils ne réussissent pas à faire autant de ventes qu'ils feraient le soir. Alors c'est pas aussi payant pour les combattants. Ah, ben tu vois, là, on va voir ça d'un bel angle. En tout cas, pour ma part, je voyais pas l'aspect pécunier, mais effectivement, tant qu'à aller se battre puis en manger une coupe sur la marboulette, bien, ce serait intéressant d'avoir un salaire décent. Puis effectivement, là, tes arguments semblent intéressants. Oui, Alors. Rich Franklin aussi avait fait des commentaires à cet effet-là, qui commençait à être tanné de se battre en Europe, là, parce qu'il y avait eu une séquence de quelques combats de suite où ce qui était pas juste en Europe, il s'était battu au Canada, mais il était hors comme des États-Unis, puis en tout cas, c'est ça, c'était pas aussi payant pour lui au bout de la ligne, il expliquait, je me rappelle. Bien, on comprend ça. J'ai envie de vous parler d'un événement qui va se tenir au Québec, à Drummondville, plus précisément le 14 novembre prochain, à 19 h, à l'hôtel Best Western de Drummondville, qui est localisé au 915 rue Ames. Je vous parle de la carte assez rapidement quand même, puisque le temps là, file à toute allure. Le combat principal, c'est un vétéran du UFC, il a un combat dans le UFC. Il avait été défait par Steve, pas Steve, voyons, monsieur, j'en ai parlé tout à l'heure, Mike Swick, Steve Vigneault, qui s'entraîne au Tristar. 11 victoires, 6 défaites. C'est un combat dans la catégorie des 185 livres. Il sera opposé à Dan Chambers, un Albertain de 13 victoires à 12 défaites. Pour Vigneault, c'est un retour puisqu'il n'a pas combattu depuis sa défaite face à Aswick. C'était en 2006. Alors, là, 3 ans plus tard et même près de 4 ans plus tard, il revient en action, Steve Vigneault, j'espère, pour de bon. On verra bien comment ça va se dérouler face à Dan Chambers, qui a perdu ses 3 derniers combats avant la limite en plus et les 3 au premier engagement. Alors, c'est un adversaire, je pense, intéressant pour un retour dans l'octogone pour Steve Vigneault. Et on espère que ça va bien se dérouler. Toujours maintenant sur cette même carte-là, il y a Guillaume Lamarche à 145 livres qui s'entraîne avec Yann Bergeron du Team Bergeron, l'école qui se situe à Drummondville. Alors, on comprendrait, il y a beaucoup de gars de Drummondville qui vont être sur cette carte-là. Lamarche a une fiche de 4 victoires et 2 défaites et il va s'en prendre à Tim Tamaki. J'ai oublié de prendre des notes là, mais Tamaki, j'ai pas sa fiche devant moi, mais c'est pas une belle fiche là. C'est une fiche c'est 8 victoires contre 15 défaites, puis il vient juste de perdre un combat de la MFL face à Thierry Canville, Tim Tamaki. Alors voyons voir ce que Lamarche pourra faire face à l'expérimenté Tamaki, mais bon, tu peux bien avoir de l'expérience, mais quand c'est des défaites que tu accumules, c'est pas nécessairement très probant comme expérience. 155 livres maintenant, c'est Chris de Tank Boisvert, toujours du team Bergeron. Une victoire et une défaite. Par contre, sa défaite, c'est face à Kevin Morin du clan de Steve Claveau. C'était suite à une erreur d'un arbitre. On s'attendait à avoir un combat revanche entre les deux pour cet événement-là, mais malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite, puisque Boisvert sera opposé à un New-Yorkais qui s'appelle Joey Gambino. 2 victoires, aucune défaite pour Joey Gambino. Hey, Joey Gambino. Je ne sais pas si Joey Gambino va faire des affaires avec la ville de Montréal, mais il me semble qu'il y a le nom pour faire ça. 155 livres, Mike. C'est Ken Rich qui a fait ses commentaires. Ouais. Bonjour à toute la famille Gambino. 155 livres, Mike Ritchie. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Le célèbre joueur des Nordiques de Québec, là, il manquait des dents, il avait les cheveux longs. Mike Ritchie. Mais là, on parle d'un autre Mike Ritchie. On parle de Mike Ritchie du Tristar, donc qui s'entraîne avec Firas Zabi, Jean Saint-Pierre et tous les gros noms. 4 victoires, aucune défaite. C'est un excellent prospect, ce Mike Ritchie-là. Et là, il va être opposé à Jordan Mean de l'Alberta. 11 victoires, 5 défaites pour Mean. 170 livres, maintenant, c'est Yves Lemelin de l'école de Yannick Bergeron. 3 victoires, 2 défaites. Il s'en prend à Chris Varano, un Ontarien de 3 victoires et 4 défaites. Régent Groux de Bergeron, toujours 2 victoires, aucune défaite. S'en prend à Steve. Tommy Parizeau, 4 victoires, 6 défaites. Ça, c'est intéressant parce que Groux, c'est un gars du team Bergeron. Puis Parizeau, c'est un gars de Steve Claveau. Donc, Bergeron, c'est Drummondville. Et Claveau, c'est Victoriaville. Alors, il y a une espèce on s'aime pas tant d'amour tendre dans ces deux clans-là, mais on se respecte quand même. Alors, c'est une guerre là un peu interne entre Régent Groux et Tommy Parizeau. Ça va être intéressant de voir ça. Pierre-Étienne Marcoux, toujours du Collège Bergeron. Une victoire, une défaite, va affronter Nicolas Parizeau, le frère de Tommy Parizeau. Alors, les deux vont être sur cette carte-là. Il manquerait seulement que l'autre Parizeau, Dave, je pense, mais lui, il n'y est pas. Dans le cas de Nicolas Parizeau, aucune victoire et 2 défaites. John McDessy, du Tristar aussi. 4 victoires, aucune défaite, contre Rory McDonald de l'Ontario. Et j'ai fini avec Michael Pellerin, qui s'en prend à Eric Dumaine. Jérémy Gagnon, face à Philippe Gauthier. Dans le cas de Gauthier, ce sont ses débuts, je pense. Lui qui s'entraîne au collège des Ultimate Boss, que je ne connais pas, mais je soupçonne que ça doit être l'école de Steve Bossé. On se renseignera un jour pour vous le dire. Ah, oh, ça met fin pour ce gala-là. Je vous rappelle, le 14 novembre, 19h, à l'hôtel Best Western, c'est à Drummondville. Et pour ce qui est du UFC, là, encore une fois, je pense qu'on n'aura pas besoin de déplier de l'argent parce que ce ne sera pas sur pay-per-view, mais bien sur Spike TV. Fred, tu peux me corriger si je suis dans le champ. Oui, tu as raison. C'est sur Spike TV et j'aimerais ça que tu passes sur un autre sujet pendant que je fais une recherche, parce que je veux rechercher sur Sportsnet si ça serait peut-être en direct en après-midi. Parce que normalement, c'est en direct l'après-midi sur Sportsnet. Mais j'ai lu un article à un moment donné sur Bloody Elbow qui disait que le pay-per-view serait peut-être en direct, que l'événement serait en direct sur pay-per-view et après ça sur Spike TV plus tard. Alors je ne sais pas si Oh. Sportsnet l'aurait. Comme je vous dis, il faut que je recherche plus le sujet. Attends 2 secondes OK, là. regarde, je vais discuter en attendant. Fred, il s'en va dans des recherches. Alors, on lui souhaite bonne chance dans son aventure parce qu'on veut le savoir. Puis honnêtement, cette carte-là, est-ce que ça vaut la peine de déplier 50-60$? Ouh, on n'est pas sûr, hein? Alors, hey, moi, je vous dis que la semaine prochaine, on aura des résultats pour vous. Évidemment, on va parler de tous les événements dont on vient de mentionner, là. On aura les résultats, puis on va en discuter. Puis on vous invite, si vous voulez commenter, donner votre opinion, ajouter à notre émission. Parce que, écoutez, on est conscient qu'on a à s'améliorer et vous avez sûrement des idées qui pourraient faire en sorte qu'on devienne une émission encore plus agréable pour Louis. Alors ça, vous nous transmettez ça de quelle façon? Ben, vous pouvez commenter sur mmanouvelle.com. Lorsque vous écoutez l'émission, il y a toujours une touche commentaire. Vous cliquez là-dessus, vous mettez vos commentaires. Vous pouvez dire à peu près ce que vous voulez, qu'on est des pas bons, l'émission est poche, vous êtes pas bon, c'est trop long, c'est vraiment pas écoutable, vous dites n'importe quoi, vous êtes des sans-talents. Il n'y a pas de problème, vous vous videz le cœur, mais s'il y en a qui veulent y aller aussi avec des commentaires constructifs, créatifs, c'est intéressant, on est prêt, nous, à s'améliorer. On vous a parlé du temple de renommée il y a longtemps. On n'a pas quitté ça, on va revenir là-dessus, là, éventuellement. Mais évidemment, il y a plein de choses également à discuter, à suivre. On travaille, Fred travaille sur différents plateaux en même temps. Il est occupé, le géniteur, je vous rappelle, avec son quiz, avec évidemment le pari virtuel. Ça, c'est formidable pour tout amateur de MMA qui se respecte. Il faut aller jouer sur le pari virtuel. Ken, on a encore un problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe depuis un bout. On va aller à une autre pause d'urgence. Oh, on est dans la voie des guerriers, puis on interrompt l'émission. Nouvelle d'importance, on apprend quelque chose qui pourrait changer vos vies. Et non, Fred va pas nous parler de la grippe. Non, un jour, là, on va faire bloc, Fred va nous parler de la grippe. Mais là, c'est pas ça. C'est vraiment une nouvelle qui change vos vies. Qu'est-ce qui se passe, Fred? T'as quelque chose à nous apprendre? On veut savoir. Oui, ben regarde, comme on parlait il y a 2 secondes, 2 minutes, je suis en ce moment sur le site de Sportsnet et d'après Sportsnet, on devrait avoir droit au gala UFC 105 en direct à 3 h p.m. sur Sportsnet S et Ontario. Alors nous autres au Québec, je pense que c'est le Est qu'on reçoit. Et pour ceux qui ont Vidéotron, souvent, il y en a qui ont les 4 Sportsnet. Alors, le Sportsnet S ou Ontario va vous offrir le UFC 105 en direct gratuitement. Et pour le pay-per-view, qu'est-ce que je vous disais, c'est que c'est en espagnol, c'est disponible pay-per-view en direct. Et sinon, c'est le Spike TV à 8 h ou 9 h le soir, là, je suis pas sûr. Ah, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'Espagnols qui nous écoutent, en tout cas. À moins vraiment des mordus. Un jour, on fera peut-être une émission en espagnol. Je pense que Fred Garcia, évidemment, a une base en espagnol. Et on se promet un jour. Non, en fait, pas du tout. Ah, ça conclut l'émission, je pense, Fred. Mais avant ça, Fred, je te donne le mot de la fin, là. Tu as sûrement des choses à vouloir dire. Et peut-être, je ne sais pas, tu peux te confesser. Bah non, la même chose que d'habitude. Un gros merci à tout le monde. Et oui, on pourrait faire une émission en espagnol. Et je pourrais même te dire en finissant ni hao mao qu'on m'a appris. Et peut-être, je sais pas si toi tu parles, mais c'est ça, un bonjour où je Je suis pense que pas. c'est Nioma. Je Ni pense que c'est hao mao. OK. Alors, vous voyez, on peut le faire dans plein de langues et on est versatile ici à la Voix des Guerriers. Et on est ici pour plusieurs semaines à venir encore. Alors, on est bien content de vous avoir. Oh non, non, non. C'est trop modeste. Plusieurs années, plusieurs décennies. On est polyglotte et on s'appelle la Voix des Guerriers et on est là la semaine prochaine. Bonne semaine à tout le monde.